Ce podcast vous est présenté par Koé Burger, goûté et approuvé par Koé. Merci Koé. Bonjour à tous, comment ça va? Ah bah ça va. Ça va, oui, bien, bah bienvenue, oui, dans Floodcast. Il s'agit du 14e. 14e épisode. Ah, ouais, je crois. Ouais, 14e de cette, troisième saison. Je suis très heureux de vous voir. Comme d'habitude. Non, d'ailleurs, pas comme d'habitude, puisque là, il n'y a que trois invités avec moi ce soir, car le quatrième est un peu en retard, mais il va nous rejoindre normalement pendant le podcast, ou pas du tout. Floodcast, des surprises, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Je commence avec notre première invitée, il s'agit de Marina Rollman. Ouais. Wow, wow. Ah, arrêtez, non, merci, oui, bonjour. Bonsoir, Marina, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Marina Rollman, j'ai 29 ans, je fais des blagues de manière professionnelle dans tous les territoires francophones, mais également parfois en anglais. Et j'habite entre Paris et Genève et j'aime beaucoup le Floodcast. Mais tu n'es pas obligée de dire ça. Bah si, mais c'est quand même super gentil. Oui. Mais je me suis arrêtée à première saison, cela dit. Alors, ça a peut-être vachement baissé depuis. Ça a... Alors, ça a beaucoup baissé. Mais en règle générale, en fait, c'est quelque chose qu'on est parti là-dessus. C'est très décrescendo. Ouais. Vraiment, c'est de moins en moins bien. Mais est-ce que c'est comme le spectre politique? Tu sais, quand tu vas trop à gauche, tu finis très à droite. Est-ce que vous allez passer tellement bas que ça va devenir du génie? Est-ce que tu es en train de nous dire qu'on est le Alain Soral du podcast, un peu? Je pense que ce sera le nom de ce podcast, histoire de rameuter le meilleur public, le meilleur public sur cette émission. Mais tu sais que je suis déjà souvent sur leur site. Ah ouais? Ouais. Oh, bah une bobo démonte les clichés de je sais pas quoi. Regardez. Et puis il y a genre plein de mecs qui me conseillent. Genre, il faut que tu lises sur la famille, tu comprends pas, t'es en train de te faire enculer par le système. Enfin bref. Ah merde, mais on s'est beaucoup enculé par le système, oui, selon le site Égalité Réconciliation. Oui, je m'en suis rendu compte. Oui. On les a nommés direct. Oh non, merde. Oh, les représailles. Je suis également avec Anis. Arrêtez. Anis, en fait, je sais jamais comment est-ce que t'as 12 pseudos Twitter. C'est Anis Rally, Aram Anis, donc je ne sais pas. Moi, je propose Anis comme ça. Juste Anis, ouais. Ok. Donc c'est également un chanteur qui vient de Cergy. Oui, donc il faut faire attention. Bah, il a qu'à refaire un album. En attendant, c'est moi, le Anis numéro 1. Anis, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Donc, je suis Anis, j'ai 27 ans et je suis comédien et auteur, notamment à Golden Moustache. Voilà. Ah, bravo. Dans le crew, on peut le nommer, le crew Multiprise. Et je suis aussi dans un crew, un sous-crew de Golden Moustache qui s'appelle Multiprise. Un crew très drôle. Une autre chaîne YouTube. Oui, c'est vrai que c'est une chaîne YouTube à pas... Un sous-crew. Okay. On se présente comme ça. C'est une petite spécialité à base de chèvre. On va prendre du sous-crew. Et nous sommes, comme à l'accoutumée, avec le Laurent Baffy de Montier Ardisson. Alors, Le Guy Carlier. Maintenant que Baffy est officiellement un gros porc. Ah oui, c'est vrai. Il a relevé la jupe de Nolwenn Leroy chez Ardisson. Ah non, pourquoi? C'est bon, alors j'ai autre chose. Voilà. Tu es le Guy Carlier de mon Marc-Olivier Fogiel. Oui, bravo. Tu l'as déjà dit ça une fois. Bon, allez. Non, je l'ai pas dit parce que c'est un podcast qui est mort. Je te rappelle, oui, c'est l'émission voilà. Fantôme. Mais du coup, je suis le père de Carlito. Tu es le père de Carlito, tu es Adrien Méniel. Ouais. Le père de Carlito. Adrien, peux-tu pas te présenter? Le Pépita, pardon. Oui, et tu veux aussi le Pépita de mon Patrice Lafont. Ah, ça, bah, ça, je veux bien. Bah, voilà. Adrien Méniel, peux-tu te présenter pour les gens qui découvriraient ce podcast et ne te connaissent pas? Adrien Méniel, je fais le buzz, je suis créateur de buzz sur Internet, je suis fier papa de deux filles. J'ai décidé de dire n'importe quoi parce que je dis la même chose à chaque fois. Tu es influenceur, je crois? Je suis influenceur, je fais du windsurf. Comment s'appellent tes deux filles? Je ne me rappelle plus. Anaïs, ouais, donc un peu proche de ton prénom, ouais, j'ai pas fait exprès. Hein. Okay, ça arrive. Et Louis. Donc pas beaucoup réfléchi au nom des prénoms, quoi. Non, t'as fait non, un peu on avait vraiment prévu à l'avance. moi, je suis quelqu'un de... J'aime pas le changement, donc c'était Louis, c'est Louis. Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous d'être venus dans ce podcast. Il y aura aussi... Merci Tom Évrard d'être venu aussi. Alors, merci voilà. À lui. Tom Évrard, aka Suleiman 3000, va peut-être arriver de manière impromptue dans cette émission. J'avoue ne pas trop y croire, mais on ne sait jamais. C'est un homme bourré de surprises. Et il est, je vais le présenter un peu à sa place, il est réalisateur, metteur en scène et DJ en soirée. réalisateur notamment pour Bagel et pour Bagel et Golden Moustache. Et, très bon réalisateur, je ne le dirais pas devant lui. Mais... oui, non, il est très, très talentueux. Fort. Et de temps à autre, il y aura aussi Jean-Louis Aubert. Bonjour, c'est Jean-Louis Aubert. Et je l'utilise de manière assez impromptue. Il faut savoir que je viens d'acquérir d'une boîte à son, donc je la rentabilise à fond. Trop bien. Très, très bien. Donc voilà, à tout moment, c'est pas, ça part très vite. Bonjour, c'est Jean-Louis Aubert. Voilà, c'est rapide, c'est très très rapide. Je vous promets d'en abuser. Est-ce qu'il y a une règle, genre quand il y a le jingle, faut dire un truc de Jean-Louis Aubert Non. Franchement, on fera. Franchement, tu es libre. Fais ce que tu sens. Mais attendez, juste qu'on clarifie les choses. Jean-Louis Aubert, c'est Téléphone ? C'est oui. Téléphone. Ok, d'accord. C'est le chanteur de Téléphone. Ok, d'accord. Tout simplement. Voilà. Et il a fait des chansons solo aussi un peu connues comme Idéal Standard, qui est aussi une marque de chiottes, exactement. Qui nous sponsorise, okay. Pas du tout. Et bien voilà, donc merci beaucoup de venir dans ce Floodcast. Donc je reprécise comment ça se passe si vous n'avez jamais écouté. Nous allons commencer avec un petit tour de table culturel. Ouh. Où vous allez partager avec nous ce que vous avez apprécié, ce que vous avez aimé dans le domaine du cinéma, de la culture en général, cinéma, musée, littérature, musique, podcast audio, cuisine, tout, souvent en vrai c'est des programmes Netflix qu'on propose, mais on sait jamais, on peut s'ouvrir à plein de trucs. Et si on commençait par Anis? Anis, peux-tu nous parler d'un truc que tu as kiffé récemment? Donc, mon truc Netflix préféré, c'est ça? C'est un truc Netflix? En vrai, oui. Ah, je t'en prie. Non, mais... En vrai, oui, non. Enfin, ça n'a rien de récent du tout, mais en ce moment, il est arrivé en blinde sur Netflix. Je parle de Gad Elmaleh. Mmh. Ah oui, c'est et vrai. Du coup, je me suis fait sa discographie de scène. Sa stand-up-graphie. Sa stand-upographie. Ouais. Et dans l'ordre, jusqu'à ce que les gens disent qu'il ne l'a plus. Ouais. J'essaie de voir. Où est-ce que ça a basculé? Non, du coup, là, j'ai fait les 3-4 premiers que c'était quand j'étais petit, c'était ma bible, quoi. Enfin, petit. Ouais. C'est marrant. Ouais, je suis retombé sur le premier aussi avec le générique où ça fait un truc de cartoon où il fait douglou, douglou, douglou, ouais, mi-cours. Le premier, c'est il part de la chef de Monsieur Seguin, etc. Oui, c'est ça. Le deuxième, c'est Chouchou, etc. Et le troisième, c'est le premier vraiment stand-up où il n'y a pas de thème. C'est le truc avec. Il y a le blond. Ouais, il y a le blond. Oui, c'est ça. C'est 80% du spectacle. Mais celui-là, c'est un de ses plus cultes. Enfin, moi, je sais que c'est celui que j'aime. C'est celui-là où il y a les comédies musicales. Ouais, c'est ça. L'alcoolique. Enfin, l'Australopithèque. C'est ça. C'est celui qui l'a érigé au rang de star francophone. Qui l'a fait décoller. Qui a été quatrième des personnalités préférées. J'en sais rien du tout. Mais je pense au moins, quoi. À un moment, il a été 4. Et du coup, voilà. Bah, il est extrêmement fort. Donc voilà, ceux qui ne connaissent pas, regardez au moins en un. Ouais. Si vous avez vu que sa pub LCL, tu vois. Ouais. Nous sommes rejoints par Tom Évrard. Oh là là. Oh, c'était pas une pizza. C'était pas une pizza, c'était Tom. Tom, enchanté. Comment enchanté. Ça va? Bah, on est là, on représente un maximum. Désolé pour le retard. C'est rien. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'es en retard? Ouais, absolument. Alors, en fait, l'histoire, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai été rémunéré. T'as arrêté de bosser pour Golden? Allez! Et blanc! Et bim! En tant que comédien, alors que je ne le suis absolument pas, mais pour jouer un personnage qui s'appelle Anatole Business. Tu es dans un projet un peu secret, préparé par la biscotte, on peut dire ça. Exactement. Ah d'accord, j'étais pas dessus. Ouais, si. Mais c'est ça. J'ai été Et du coup, pourquoi t'es en retard, enculé? Je suis la seule personne à la table qui comprend pas ce qui se passe. Non, mais avec les auditeurs, je suis de l'autre côté. Les gars, moi non plus. Je pense pas que ça va être bien. C'est vraiment secret. Je crois que c'est un peu secret. En fait, il a joué dans un projet un peu secret, donc on peut pas le dire à l'antenne pour des raisons évidentes de secret. Et derrière, Sarah Coe, directrice de Canal+, parce que c'est sur Canal. Bonjour Ariel. Mais c'est une bonne excuse. Ça parle de tennis et que il y a des martiens. Et le héros s'appelle Gilles, ça on peut le dire aussi. Classique. Ouais. Voilà. 3 points voilà. Que j'aurais pu deviner toute seule. Et donc pourquoi t'es en retard? Ça ne nous dit pas pourquoi. Ça a pris du retard? Bah, ça a pris du retard à cause de la pluie. D'accord. Du coup, pendant 2 heures, c'est merde, on fait comment les gars? Donc il y a eu un truc un peu chiant comme ça. Donc on a attendu dans le froid pendant 2 heures et puis on a fini à. Cette histoire est vraiment très très chiante. Oui, mais t'inquiète, tout est coupable au montage. Non, t'inquiète. Ouais. Et non, et l'histoire, c'est juste qu'à 18h, on arrive sur l'autoroute et il y a un accrochage des familles et voilà quoi. Bah, écoute, en tout cas, je suis très heureux que tu sois là, Tom. Je voulais juste te dire aussi qu'on a un guest qui vient assez souvent parce que t'étais pas là quand on l'a présenté, donc il arrive de temps à autre. Bonjour, c'est Jean-Louis Aubert. Voilà, c'est le leader de téléphone, il arrive de temps à autre et il ne faudra pas être surpris. Quoi. C'est très très bien parce que c'est assez aléatoire et je ne m'y attendais pas, mais c'est assez agréable. Vraiment. Écoute, avant que tu arrives, Anis nous proposait de regarder un spectacle de Gad Elmaleh que tout le monde a déjà vu, mais il nous proposait de le regarder parce qu'il l'a revu sur Netflix. Non, savoir que j'ai trop du mal, moi, à regarder des trucs nouveaux. Voilà, je voulais parler de cette maladie. Oui. Il faut se battre contre ça. Il y a beaucoup de gens qui ont le contraire. Et moi, j'arrive pas. Enfin, souvent, je me base sur mes acquis et je me dis, je vais apprendre encore plus en regardant un truc que j'ai déjà vu. Ah non, mais attends, complètement tu parlais de nouveau dans le sens que tu ne connais pas, que ou je connais de nouveau pas, générationnellement. Bah, genre, les deux en vrai. Un truc post, oui, mais un truc que t'as pas 2012, déjà vu, quoi. Un truc que j'ai pas déjà vu, j'ai du mal à le regarder. Ah. C'est, ça, il fait nul. Faut, hein. Ouais. C'est le principe normalement. Mais moi surtout l'exercice avec Gad Elmaleh, c'est de savoir tu vas. C'est les deux trucs. Non, c'est les deux trucs. On est un peu engagé. Et les pieds plats. Est-ce que tu regardes jusqu'à la chute, Gad? Parce que t'as dit là, tu regardes ce que t'aimes bien. Je crois qu'à un moment, je vais décrocher comme tous les êtres humains. Je suis pas arrivé encore là cette saison. La chute, on parle du le film sur Hitler. Il a joué dedans. Il y a pas Gad. Il a produit. Il y a pas Gad. Il a fait un remake, je crois. Ça s'appelle Coco, mais il a pris beaucoup de liberté. Il a pris beaucoup de liberté. Coco Labo. En fait, je tiens à vous dire un truc. Je me suis baladé sur Netflix. Du coup, j'ai lancé Coco parce que c'était dans les suggestions. Ouais. Et en fait, c'est extrêmement pas bien du tout. Ah, mais genre, vraiment, mais en fait, pourquoi dire en fait du coup parce que, au début parce que j'ai vu c'est Fatal, ce à quoi on s'attendait en fait. J'ai vu Fatal aussi. Fatal c'était super. Et ouais. En fait Fatal c'est plutôt bien et ouais. J'étais hyper surpris par disons le truc. Enfin, il y a une vraie âme et Coco bah non. Voilà. Une absence d'âme dans vraiment, Coco. Vraiment, il n'y a pas grand chose quoi. Bah tiens Tom, tant que tu ah non attends bah vas-y pose-toi. Marina. T'inquiète, il y a des petites bouteilles d'eau, même si tu veux. Vraiment, il y en a plein. Je t'en avais mis juste là pour pas que tu te sois embêté. Alors, moi, comme tu m'avais prévenu que c'était souvent le Netflix review stuff. C'est un podcast français, quoi. Je me suis dit, pas Netflix. Alors, très vite, si vous avez déjà parlé du Redoutable ou pas encore ? Non, le non dernier encore. Zanavicius, il faut aller le voir, c'est vraiment très, très important. Mais moi, je vais vous parler d'un autre truc qui est un peu à l'ouest. C'est là, je suis en train de lire les journaux d'un auteur qui s'appelle David Sedaris, qui est un mec qui est donc essayiste. Qui est un job qu'on n'a pas trop chez nous. C'est des types qui ont des plumes chouettes, puis au lieu d'écrire de la fiction, ils écrivent des petits textes un peu descriptifs, où ils font des petites enquêtes et tout. Donc lui, ça a hyper bien aux États-Unis. Et moi, j'ai l'impression qu'on a plein de plumes drôles dans la francophonie qui devraient s'essayer à faire des trucs comme ça. Et en fait, ben non. Mais ça n'existe pas trop. Vous avez le droit d'ouvrir vos bouches. Hein. Oui, oui. Moi, j'étais en train de bouffer. C'est de la fiction, un essai non, ou... okay. Non, justement, c'est de dire genre, ok, je m'attelle, je sais pas, j'ai envie de parler de mon voyage en Grèce. Okay. Et je le fais de manière un peu marrante et légère. Mais c'est pas un roman, mais c'est pas un truc. Mais... Et c'est une forme qui a aussi, parce que les journaux, il y a ça aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a l'espace. Comme on a chez nous, c'est peut-être Vanity Fair, le seul endroit où tu pourrais le faire. Il y a l'espace pour que tu dises à quelqu'un, vas-y, tu peux nous écrire 10 pages sur ce que tu veux. Mais finalement, c'est un peu ce que les gens font avec leur blog. Ouais. Oui, voilà, dire. Avec des vraies plumes affinées. Maintenant qu'il y a le vlog, c'est impossible de leur vendre. Tu sais, les essais, en fait, tu pourrais. Ouais, et donc, en fait, là, moi, je suis en train de lire son journal, le gars. C'est un truc qui s'appelle Theft by Finding. Et ce qui est hyper cool, c'est que son journal commence où, genre, il prend de la dope en Caroline du Nord, genre pas loin de chez ses parents, et ça va pas fort la vie. Et là, maintenant, je suis 20 ans plus tard à peu près, où c'est un auteur hyper reconnu et il voyage partout dans le monde et il est avec son cœur. Et c'est vraiment son journal, genre journal intime. C'est son journal. En fait, le mec est hyper zélé sur son journal et il l'a un peu réédité depuis, donc je pense que c'est un peu mieux écrit. Surtout, il nous aura sauté plein de passages qui étaient chiants. Mais ce qui est hyper cool, c'est de vivre l'ascension d'un gars qui est en plus hyper rigolo et tout, sans storytelling, sans dire genre je vais vous expliquer les 5 clés de mon succès. C'est en fait au jour le jour, il y a des moments où il se casse un ongle, puis il y a des moments où il s'engueule avec son voisin, puis il y a des moments où il gagne un prix littéraire de ouf quoi. Et c'est cool parce que je trouve que les récits de succès d'habitude ça élude un peu le vrai travail au quotidien. Ça élude aussi le fait qu'une fois qu'il est connu et qu'il est posé, il continue à avoir genre des engueulades de merde avec son père et des voisins chiants, et il doit se faire opérer des dents, et il y a genre une nana qui vient le chercher à l'aéroport pour une signature de livre dans une librairie aux États-Unis. Et quand elle le ramène de la signature, elle est là, oh, c'est incroyable qu'il y avait autant de monde, vous avez de la chance qu'il y avait autant de monde dans la librairie en même temps que vous. Elle ne veut pas comprendre qu'il est connu, truc, tu vois, alors que ce mec est hyper posé. Et le livre est hyper bien, donc il s'appelle Theft by Finding, il est en anglais, je pense qu'ils finiront par le traduire, le mec s'appelle David Sedaris. C'est un bon bouquin. Et c'est un gros bouquin. C'est un gros bouquin, mais écrit très espacé, puis comme c'est des toutes petites entrées de journal, en fait, tu peux le prendre et le reprendre et le lâcher un peu quand tu veux. Quoi. Et en général, c'est assez agréable à lire. C'est que de la vie. Et c'est juste. Et parce qu'en fait. En plus, le mec est hyper romain, quoi. Donc, il y a des petits trucs de tous les jours qui sont hyper drôles. Et c'est là, en fait, où on apprend le plus. Par exemple, en tant qu'auteur ou quoi que ce soit. Par exemple, moi, j'avais bouquiné un truc. C'était de comment faire un film de Sidney Lumet. Et en fait, il est chiant, mais ce bouquin. Il est trop bien. Ce livre. Il est trop bien. Et en fait, le mec te dit pas comment faire un film. Il te dit juste c'est quoi sa vie en tant que réal et comment il fait des films lui. Et en fait, c'est ses rencontres, c'est ses problèmes avec le taxi qui le ramène chez lui tous les soirs parce qu'il le fait chier parce qu'il est raciste et tout. Et en fait, juste en te racontant sa vie comme ça, et il te dit donc en fait, il c'est une vraie routine. Il dirige en fait ses comédiens, mais parce qu'en fait, par exemple, il les dirige mal parce que à cause de ce mec-là qui a une mauvaise humeur ou de bonne humeur. Et en fait, c'est toutes les choses de la vie qui ont fait qu'en fait, il a fait ses réals, quoi. J'en profite pour rebondir sur un autre truc. J'ai écouté Nouvelle École avec Adrien et Flaubert, d'ailleurs. Oui, exact. Que je me garde, que je n'ai pas écouté encore. Mais je trouve le concept ouf de... Parce que justement, moi, je ne suis pas très littérature. Je n'arrive pas, j'ai du mal à lire. Mais je trouve que c'est la première étape, en vrai, une biographie. Enfin, parce que voilà, tu n'as pas à suivre forcément une plume ou quoi que ce soit. Tu as juste déjà à suivre. Et du coup, c'est toi qui te fais ton histoire, ton interprétation à travers la vie de quelqu'un. Et c'est quoi exactement? Et en fait, le podcast, c'est de parler de ton parcours. Ouais. Et c'est trop intéressant parce que si on m'avait fait ça à l'école... Genre juste 10 personnes différentes qui disent leur parcours, ça n'a rien à voir. Juste 2 personnes, ça n'a rien à voir, tu vois. Imagine 10 personnes différentes, et là, sur la chaîne, du coup, je ne sais pas, il y en a combien. Il y a Marina. Il y a Marina, ouais, Marina aussi l'a fait. Donc, tout le monde le fait. Hein, tout le monde le fait. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, hein. Annie, c'est Tom. Voilà, et du coup, ouais, je trouve ça trop bien d'avoir juste les parcours des gens et de te dire, tu vois, c'est pas genre j'étais là et je suis arrivé là, tu vois. Oui. Il se passe un million de trucs. Ouais, on n'a jamais le temps d'en parler, tu vois. C'est ça, en termes d'orientation, c'est hyper important de savoir que tu fantasmes pas juste sur un métier, sur un statut, mais que genre ça va être un quotidien et des obligations. C'est beaucoup plus complexe. Et en fait, c'est hyper rassurant aussi de se dire, en fait, les gens, ils font leur création ou en tout cas, ils tendent à quelque chose. Et en fait, c'est juste en étant eux-mêmes et juste en subissant les choses de la vie, tout ça, quoi. Adrien Méniel. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu as vu récemment? Qu'est-ce que tu as lu récemment? Qu'est-ce que tu as entendu récemment que tu as envie de partager avec nos auditeurs? Alors, moi, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Dissect. Mmh. Et en fait, le concept, c'est le mec en question et c'est un spécialiste de la musique. Enfin, je sais pas quel est son statut officiel, mais en tout cas, il est visiblement c'est un expert en musicologie. Je crois que le terme, c'est fan de Zikmu. Zikos, ouais. Bon, Zikos. Il touche la gratte un peu. Et en gros, le mec, c'est chaque saison du podcast est dédiée à un artiste. Alors, il n'y a que 2 saisons et pour l'instant, c'est 2 rappeurs, donc je ne sais pas si c'est que des rappeurs, etc. La saison 1, c'est Kendrick Lamar. Et moi, j'ai écouté que la saison 2 qui est dédiée à Kanye West. Bien sûr. Et Kanye West, que je connaissais pas très bien, en fait, quoi. Enfin, j'écoutais vite fait, je m'y suis mis assez tard. Et en fait, c'est vachement intéressant. Et du coup, il explique pas seulement... Enfin, déjà, c'est très pointu sur la façon d'analyser la musique. C'est-à-dire que vraiment, on peut plus écouter après de la même façon quand on a écouté son analyse à lui, parce que tu dis, d'accord, donc il y a vraiment, musicalement, des trucs de fou qui sont vraiment réfléchis et qui font écho à sa vie perso, qui l'analyse aussi et qui décrit et tout. Et moi, c'est vraiment sa vie, son parcours, puisqu'on parlait des parcours tout à l'heure, qui est vraiment... En fait, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il a un parcours et une façon de... Enfin, il a une façon d'apprendre sa carrière qui est assez proche de galères que nous... Et de doutes que nous, on peut avoir, en fait. Dans le côté, en fait, lui, à la base, il était producteur de rap et il voulait chanter. Mais il y avait vraiment personne qui voulait le produire, quoi. Et du coup, il a dû vraiment galérer quand même un moment avant de devenir. Et c'est devenu après la plus grosse star, etc. Et il y a toute une analyse sur ce que la célébrité, enfin l'ultra célébrité en l'occurrence, peut avoir comme effet sur la personnalité de quelqu'un. Et enfin, ça le rend vachement touchant en même temps. Et du coup, enfin moi, ça m'a vraiment vraiment bien passionné ce truc, quoi. Ah, ça a l'air hyper chouette. C'est vraiment bien. Et du coup, je suis un peu devenu le genre de connard dont je me moquais et qui disait, putain, j'adore trop Kanye. C'est vrai qu'il est hyper... Bientôt, tu diras, franchement, Booba, c'est proche de Céline. On va partir de ce genre de mec. Non, mais en fait, tu m'as un peu bypassé parce que ce que j'allais dire, moi, dans mon truc, c'est que j'ai réécouté toute la discographie de Kanye West. Donc, je vais devoir trouver autre chose. Et c'est vrai, vraiment, en jouant à Mario Kart avec mon coloc. Et en fait, c'est passionnant. C'est-à-dire que si tu t'écoutes bout à bout tous les albums de Kenny, Kenny, je vois pas qui c'est. Mais bon. Ok, ça marche. non, mais en fait, tu verras juste l'évolution. En fait, elle est hyper naturelle. Et en fait, tu vois qu'il devient fou à un moment, qui se calme, qui a son Odyssée pop, qui est Dark Twisted Fantasy. Ouais, bah, c'est, en fait, c'est dédié à cet album-là. Il est incroyable. Celui-là, ouais. Moi, c'est mon préféré, perso. Voilà. Et bah, c'est consacré à cet album-là, ouais. Qui est après le moment où il a pété un câble, ouais, ouais, avec exactement. Le truc avec Taylor Swift et tout. Ouais. Et du coup, il parle de ça et même, il pointe du doigt cet événement avec Taylor Swift comme le truc qu'il a fait basculer, en gros, parce que c'était la star montante de la musique en général, quoi. Et c'est le moment où tout le monde a dit « Putain, mais c'est une grosse merde, en fait, ce gars et tout. » Et c'est vrai que moi, qui regardais ça un peu d'un œil extérieur, je me disais « Ouais, c'est un connard, quoi, enfin, d'avoir fait ça. » Et en fait, lui, il t'explique tout ce qui l'a mené à ça et tous les événements pas cool de sa vie qui l'ont... Plus la célébrité qui doit être un peu un truc qui... Ouais, mais ça l'a rendu qui fou. Multiplie... Mais ouais, il a vraiment pété un câble. Ouais, et en fait, tu te dis... Oui, bah, tu vois, moi, quand il y a quelqu'un qui me bouscule dans le métro, je pète un câble. Donc, je me dis, c'est normal de péter un câble aussi. Moi, quand on me dit, hey, Flo, pense bien enregistrer le podcast cette fois-ci, ça me fait péter un câble aussi. Donc, si vous pouviez arrêter de le quand faire. Quand il y a des blogueurs critiques ciné qui parlent pendant. Ça... Non, mais ça, c'est rien, Adrien. Tu fais référence à rien du tout. J'ai fait un mini bad buzz. Enfin, un bad buzz perso. C'est ouais, en vrai, tout le monde s'en fout. Non, oui, c'est vrai. Ça m'a... Moi, j'ai eu l'impression que c'était important parce que c'était que adressé vers moi. Mais bah, j'ai. Bon, d'ailleurs, je vais pas conseiller quelque chose, je vais juste parler de ça. Allez. En fait, j'étais à l'avant-première de Blade Runner 2048. C'est le 8. 2048 2046 2049. 2048, c'est un jeu. Et 2046, c'est un film de Wong Kar-wai. Très bien. C'est 2049. Alors, c'est 2049. Et le film est super. Bon, enfin, allez-y, c'est très cool. Et en fait, c'était une avant-première avec beaucoup de journalistes, de youtubeurs et de blogueurs ciné. Et il y avait deux blogueurs ciné derrière moi qui étaient très énervants, très prétentieux et un peu relous. Voilà, qui sortaient des phrases... Des grosses merdes. Non. Deux grosses merdes. Et s'ils écoutent, on baise. Non, Adrien, je t'en supplie. Tu assumes l'adresse seul. De Florence, c'est... De... 35 Arrête, t'en supplie. Non, en gros, voilà. Et je parlais de ces deux personnes-là, parce que ça a son importance dans l'histoire. Mais les mecs parlaient pendant le film ? Non, c'était avant. Ah. Donc en vrai, vraiment, c'est moi qui étais énervé tout seul dans mon délire. Ils ont évidemment le droit de parler avant un film. Et mais tu l'es de manière générale, soyons honnêtes. Non, c'était vraiment ces deux mecs-là. C'est le système qui te gêne. Le système me gêne. C'est le système. Non, c'est juste qu'ils avaient un phrasé, ils parlaient de trucs genre. Après, c'est vrai que moi j'aime bien ce genre de film parce que ben, moi je suis cinéphile, donc voilà, ce genre de truc. Et ça m'agace un petit peu. Et j'ai mis sur mon Insta Story avec une finesse pas piquée des verres que les blogueurs ciné aux avant-premières. Non, les blogueurs web ciné aux avant-premières égale méga sida. Ce qui n'était pas le truc le plus fin que j'ai écrit dans ma carrière. Et après, voilà, j'ai fait des analogies avec de la diarrhée, donc rien de bien fin. Voilà. Et on puis, oublie que les stories, en fait, les gens les voient. Ouais, mais moi, j'oublie que des fois, j'ai des followers, en fait. Je confonds un peu Instagram avec mon Facebook perso. Et je parlais vraiment de ces deux mecs-là, mais dans la story, je disais les blogueurs ciné. Donc, je comprends complètement. Et j'ai reçu un premier tweet qui disait bois de l'eau avant de machin, parce que tu critiques toute une profession et tout. Déjà, ça monte. Que la personne était chamée d'utiliser la blague bois de l'eau. Non, mais en plus, en tu vrai, sens vrai, la belle plume. Bah, non, mais qu'il a c'était, la plus, c'était la plus polie envers moi, donc moi je l'aime bien cette personne. Ouais, et ouais. Du coup, j'ai supprimé mon Insta tout de suite parce que j'étais là, genre, non, mais moi je veux pas insulter toute une profession et tout. Et c'était trop tard, des gens avaient profession, déjà. Profession, c'est entre guillemets. Hein. T'assumes derrière. Hein. Moi j'ai déjà donné. Non, mais c'est pas une profession d'être blogueur. Si, c'est des journalistes en fait. Si. Ils sont payés. Bah, c'est une profession quand t'es payé. Quand t'es payé par un site, c'est d'accord, une profession. D'accord, je dois être vieux alors. Ouais, c'est je savais pas que c'était devenu un métier, autant pour moi. T'es en train de faire le jeu des gens qui disent « YouTubeur ?» Mais c'est pas du tout un métier, enfin, Adrien. Ah, ouais, d'accord. Non, mais tu vois, au pire, voilà. Ça peut argumenter aussi. Oui. Bon, bref. Mais donc, toi, tu l'as aimé, Blade Runner, parce que moi, j'entends 3-4 personnes déjà qui ont détesté depuis. Non, moi j'ai trouvé ça bien. Et t'es juste pas pour cinéphile, finir, Flaubert. Hein t'es pas je suis pas cinéphile. je suis un youtubeur de merde, moi, à la base. Donc, Et juste pour finir cette petite anecdote, et donc du coup, j'ai effacé mes trucs, c'était trop tard, des gens avaient fait des captures. Et en fait, je ne savais pas, mais j'ai cristallisé via cette petite histoire une espèce de haine entre les youtubeurs ciné et les youtubeurs en général et les blogueurs ciné de ils sont pas légitimes, c'est des influenceurs, ils sucent la bite des studios, c'est pas vraiment des critiques, ils sont invités à toutes les avant-premières et nous alors qu'on est des vrais journalistes, on n'est pas invités, voilà, ce genre de choses. Mais moi ça m'a un peu dépassé ça, je savais pas. Mais et je le redis ici, je m'excuse tout de même parce que traiter les gens de méga sida et de diarrhée, ce n'est pas très sympathique. Après bon, je me suis aussi pris plein de trucs dans la gueule de gros youtubeurs de merde, c'est pas un vrai métier. Enfin, en gros, ce que j'avais dit sur des mecs, on me l'a dit à moi, donc au final bon, j'ai envie de dire l'équilibre est retrouvé. Mais voilà, c'était pour ça, voilà. Pour expliquer ta petite blague. Après, la différence, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut sur les youtubeurs, c'est des gens qui créent quelque chose, alors que les critiques, c'est de la grosse merde. Voilà. c'est ça qu'on peut dire, de manière générale. Ah, nom de Dieu, de merde, Adrien. Adrien, tu me mets dans la mouise. Bah, c'est moi qui parle. C'est uniquement je plaisante. Tom, du coup, est-ce que t'as un truc en tête? Parce que j'ai l'impression qu'on a parlé de Kenny et de Sydney Lumet, qui étaient deux trucs que peut-être tu voulais nous parler, mais est-ce que t'as quand même un truc en magasin? Bah, ouais. Vas-y, je t'en prie. Alors, je vais balancer en fait un truc, c'est que j'ai pas maté quoi que ce soit ou lu énormément de choses récemment. Du coup, il s'est passé qu'un truc. Je suis allé sur Netflix pour regarder Les Trois Frères. Encore Netflix. C'est tout, c'est vraiment la dernière chose que j'ai faite et j'ai joué à Dark Souls, donc attends, je sais pas trop si... Attends, pour résumer, t'as regardé Coco et Les Trois Frères. Exactement. Sur une plateforme comme Netflix. Après, je te rappelle que t'as regardé Gad Elmaleh. Oui, mais tous. Moi, je vais à fond dans un délire. Putain, les gars, ils ont Netflix, ils mettent ce qu'il y a sur France 2 et TF1. C'est cool, mais exactement, même. Mais en fait, vraiment, je deviens un daron parce que c'est vraiment le truc, je dis, oh, j'ai plus envie de me prendre la tête. Mais est-ce que t'as vu qu'il y a On ne demande qu'à en rire sur Netflix si tu regardes. Quoi? Bah, c'est bon à savoir. Il y a la saison 1 de Love Story d'ailleurs. Et bah c'est très très bon. Non, mais ça c'est un document historique. Ça c'est faux. Non, mais ça c'est Lina, presque il y a un truc intéressant de revoir le Loft. Ouais, mais c'est un truc, que je voulais faire. Je l'ai dit sur Facebook, c'est un podcast que je voulais lancer où on rematait le Loft, tous les primes, et on invite et on débrief ensemble. Parce que j'ai maté le premier épisode, mais le problème c'est que sur YouTube il n'y a plus rien à part le premier et le dernier. Ouais. Et moi je voulais vraiment faire le truc à fond, à savoir on regarde vraiment chaque semaine Love Story, parce que t'en apprends beaucoup sur 2001. Je pense que tu peux en retrouver sur Emul. Ouais, faut que je ça sur LimeWire. Ouais, faut que je sur Casa. Non, il faut que je dise un truc du coup. Ouais, faut trouver une tous les logiciels. Il reste plus grand chose. Lycos, on a dit Lycos. Ouais, tu téléchargeais pas trop sur Lycos. Ouais. Bah, voilà. Ouais, voilà. Pour te sauver. Bon, mais Les Trois Frères, est-ce que tu le conseilles aux gens? Eh bah oui. Ouais. Bah, en fait, le truc. FrostWire. C'était une version modifiée de LimeWire. Je te soupçonne de l'avoir eu dès le début, mais d'avoir d'abord fait la vanne du j'en ai plus et après de l'avoir gardé pour je plus tard. Je savais qu'il y avait un truc, mais je ne l'avais pas. Non, non. Pour en revenir aux Trois Frères, bah, en fait, je l'avais vu quand j'étais petit. Et quand j'étais petit, bah, j'adorais ce film parce que. Bah, c'est déjà, Romain. Parce qu'il tape le chien. Bah, ouais. Je pensais que c'était vrai, bien juste parce que le j'étais coup con. Du chien, tout le monde. Bah oui, c'est incroyable. Ça a marqué tout le monde. Et je l'ai vu avec quelqu'un qui ne l'avait pas vu en fait. Ça peut être intéressant. Ouais, et un mec en plus critique de ciné, donc voilà. Un gars que je compare au sida, tu veux dire? Exactement, mais vraiment pour le coup. Le mec est vraiment genre jury dans des critiques, dans des petits festivals et tout. Il l'avait pas vu et tout, il a dit bon, ça a l'air cool ton film. Vraiment, en plus, juste avant, mec, tu m'as mis Coco, donc. Oui, bon. Bah, tu le cherches aussi, ouais. tu le titilles un peu. Quoi. Oui, mais après, c'est une bonne technique parce que tu mets Coco, tu peux mettre un peu ce que tu veux après. Oui, c'est ça. Mais là, mais parce que là, je l'ai même pas vu, je suis méchant. Ouais, après, il faut le survoler, ça suffit. Vraiment, bref. Et le truc, c'est que du coup, on a lancé le film, on a dit 10 minutes. Vraiment, il m'a regardé dans les yeux, il m'a fait 10 minutes, mec, après, je vais me coucher, demain, je travaille et tout. Mais tu parles. Et en fait, 10 minutes, bah, ça s'est transformé en tout le film. Et en fait, il a pas tant vieilli que ça. Et il est vraiment très, très bien. Et en fait, il est. Maintenant que les vannes, elles sont. En fait, les vannes sont hyper beaufs, mais elles fonctionnent toujours. Ouais. Parce que c'est des trucs très simples où, en fait, c'est un montage champ contre champ, mais c'est juste, ça joue bien et c'est bien écrit, terminé. Et en fait, du coup. C'est toujours aussi marrant. Et même les trucs un peu beaufs et tout. Enfin, quand je dis beauf, ça l'est. Tu veux dire pas. Le film? Ouais, voilà, oui, c'est ça. Mais en fait, au-delà de ça, c'est que c'est hyper touchant parce que ça raconte une époque, en fait. Ça raconte vraiment un truc des années 90 où vraiment les mecs étaient hyper en fait, dépressifs. Tu le sens vraiment dans le film, là, où tu sens qu'ils sont hyper sensibles à tout ce qui se passe autour d'eux sur la précarité, ce genre de choses, et comment, en fait... toutes tes images, etc. Et en fait, c'est des... Bah, ouais, c'est des mecs qui courent après l'argent. Hein, ouais, enfin, pendant tout le film, ils essayent toutes les manières d'avoir un million parce qu'ils veulent ça, quoi. Ils ont besoin de ça. Mais ils ont besoin de ça, mais pas parce qu'ils ont envie de gagner grave de la thune. C'est juste qu'ils en ont besoin pour... parce qu'ils sont dans la merde. Se mettre dans la merde. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est parce qu'ils sont à la recherche de la thune qui se mettent dans la merde. Ouais. Donc en fait, il y a ce truc-là qui est hyper fort. En fait, ouais, et qu'on a perdu un peu dans les comédies où les gens ont plus de problèmes d'argent dans les comédies françaises aujourd'hui. C'est l'œuf ou la poule, ça. Non? Pas du tout, Adrien. Mais il l'a tenu. Non, mais donc remater Les Trois Frères avec ce vraiment, point de vue-là. Vraiment, c'est hyper intéressant parce que ça raconte un truc par rapport à notre époque maintenant. Ouais. Point digression. Dis-moi. Ah ouais. J'ai déjà raconté ça à Adrien Méniel cet été. Je me casse. À Avignon, tu t'en vas. un pote de mon mec qui croise Pascal Légitimus dans une soirée, me demande pas une avant-première ou un truc comme ça. Ah. Et Pascal oui. Légitimus est donc à côté de ce mec au bar. Et il y a un pot de cacahuètes. Et il pointe les cacahuètes à mon pote de mon mec. Et c'est quoi ça hein? C'est les cacahuètes? Ah ouais? Elles sont où les pipiouettes? Et il s'en va. Et il s'en va. Il se connaissait pas. Il aborde un mec au bar. Il lui fait la blague des pipiouettes. Et le mec, mic drop, je ouais. me casse. Après, je te cache pas que Pascal Légitimus a eu son Taylor Swift. Mais moult fois. Mais il paraît que ouais. Didier Bourdon aussi est compliqué. Ah ouais, bah, alors c'est ça. Parce qu'en fait, on se foutait de la gueule de Didier Bourdon. Parce qu'on l'avait vu. En fait, les trois frères, c'était pas venu de nulle part. Il y avait le pari avant, c'est ça? Vous avez regardé le pari? Non, on n'a pas vu le pari. On l'a vu dans l'affiche du dernier Spirou, je crois. Non, Cendrillon. Les aventures voilà, de Cendrillon. Ah, oui. Et vraiment, il y a mon pote qui connaissait pas Didier Bourdon, du coup. Non, qui... Mais il est né sur quelle planète, ton ami? Ouais. Ouais. Non, mais en fait, il connaît pas du tout les trucs dans lesquels il jouait. Parce qu'il a pas eu d'enfance, visiblement. Mais c'est un peu un snob du ciné ou... Un peu, ouais. D'accord. Enfin, du ciné, ouais. Et puis il est birman aussi, il faut dire ce qu'il est. C'est ça. Et vraiment, il fait, ah là là, on dirait vraiment qu'il est nul, lui. Je fais, bah attends. Il joue mal dans la vie, ton pote. En fait, mais ton collègue, c'est un alien qui se déguise en humain. Non, faut pas. C'est... Et qui est cette personne? Il a non, en vrai, c'est un vrai bon gars. C'est juste okay. qu'à un moment, ah non, voilà, mais... tu fais... Non, on juge pas, mais voilà. Voilà, bah si, un peu. Non, non, moi je dis, il a pas les références de pop culture. Tu dis que c'est un grand critique. En fait, et il juge à une affiche, oh lui, il a l'air vraiment mal. Non, mais c'est excuse-moi, vrai. Dans les tutos critiques ciné, c'est pas ce qu'on nous apprend. En même temps, si vous avez vu la dernière affiche du dernier Spirou, non, mais Princesse de... Cendrillon. Ouais. Oui, Princesse je l'ai Cendrillon. Vu tout à l'heure, ouais, ça fait mal, j'avoue. Ça, c'est compliqué, vraiment. Il y a Didier Bourdon, mais en plus, c'est moi qui le pointais du doigt. Je dis, ah, mais putain, c'est... il est là, lui. Et en fait, c'est juste ça. Et, ah, il a l'air nul. Bah, normal, tu vois. Il y a un truc un peu logique comme ça, tu vois. Et non, non, c'est un peu aberrant, mais ça a l'air un peu triste, quoi. Qu'est-ce que ça raconte? Les aventures de Cendrillon? Cendrillon, oh, ça doit... C'est... Non, mais c'est comme Aladdin. Ils reprennent les contes et les aventures un peu que tout le monde connaît et ils les font un peu à la sauce jeune avec plein de stars. Avec plein de peps. Avec du peps, c'est un peu de second degré. Hein. Y a un peu... Avec pas mal de perruques aussi et de ouais. maquillage et de choses ouais, compliquées. Il y en a. Direction artistique. Après, Cendrillon, tu peux dire il y a des perruques, ça se comprend ça, un peu. Ça s'excuse. Très bien. Et moi, j'aime bien les perruques. Voilà, ouais. Je l'ai dit, non mais... Bah, c'est vrai que nous, on a fait le premier sketch show Golden Moustache, on serait très mal placé pour dire « Oh non, nous, les perruques !» Mais on déteste ça avec Adrien. Non, mais moi, une bonne perruque. C'est Cad voilà. Olivier qui disait un sketch, une perruque. Ouais, c'était ouais. vraiment ou une perruque, un sketch. Mais on est d'accord que ça a toujours l'air faux et que c'est ça qui est drôle d'en utiliser dans de la comédie, non Ça dépend. Moi j'aime bien les bonnes vieilles perruques où tu fais ouais bon bah là il a mis une perruque et c'est ouais. de la grosse ouais. merde, il l'a payé 20 balles. Et les bonnes vraies perruques, tu vois. Moi j'étais Fred Armisen, il met ouais. une perruque par film quasiment et c'est marrant. Mais j'allais dire genre Wet Hot American Summer. Tout le monde a des perruques, c'est pas des perruques cheap, mais ça se voit à donf. Bah oui, mais c'est rigolo. Non, mais des fois, ça, c'est fait des fois, ça c'est bien fait, quoi. Ouais. Ouais, moi, j'ai envie de dire, il était invité dans le dernier podcast. Un bon Gaël Mektoum, une bonne perruque. Moi, je suis désolé, moi, ça marche tout de suite sur moi, quoi. Bon, juste pour vous conseiller, vite fait, quand même, un petit truc. Tout de même, je vais aller voir. Je suis allé voir Thomas VDB au Sentier des Halles. Oh. Et c'est vraiment très, très, très, très drôle. Et bon, on le connaît, on l'aime bien, donc on pourrait croire que c'est que du copinage. Et vraiment, non, pas du tout. Moi, je le trouve humainement dégueulasse, déjà. C'est la première chose. Donc, ouais, voilà. Je travaille avec lui, vraiment très compliqué. Oui, sur Nostalgie 2024, ouais. bien sûr. 2048, 2049, je crois. 50 ouais, 50, 50. 2050. C'est juste après Blade Runner. Exactement. C'est Blade Runner, d'accord, ok. Non, mais donc, très, très, très bon spectacle. Vous aimez son personnage qu'il fait avec Madénian et qui fait un peu des fois de temps en temps, il le fait un peu et c'est extrêmement drôle, mais c'est quand même surtout du stand-up où il parle du fait d'être papa, où il parle du fait, il donne plein d'anecdotes de sa vie qui lui est arrivée. À un moment, il a reçu un spam et il répond il fait tout un sketch sur il a répondu à un spam d'un mec qui voulait l'arnaquer et ça dure des plombes. Il y a un truc sur les concerts, enfin voilà, c'est assez, il y a plein de choses dans ce spectacle et il gère très bien les bides, il provoque des bides sur lesquels il jongle dessus derrière, ça moi j'aime beaucoup. Stylé. Et c'est vraiment très très très drôle, c'est au Sentier des Halles. Je pense qu'il va jouer un peu partout après, mais en tout cas c'est très très bien. Est-ce qu'il démarre le spectacle en faisant des blagues vraiment pourries? Bah en fait je vous spoil un peu le début. Non, mais parce que moi j'ai vu un bout de son spectacle à Avignon. Ouais. Il commençait comme ça en faisant des blagues vraiment merdiques. Mais en faisant son personnage de bah ouais mon gars, bah ouais, ouais voilà, mais vraiment encore pire quoi, ouais, avec des blagues nulles à chier et vraiment en l'occurrence c'était que des bides, mais du coup tu te marres parce que tu fais putain mais oui il fait du faux stand-up sur le quand on va au cinéma tout ouais. ça ouais bah c'est ça il le fait et après il dit ça c'était mon spectacle que j'ai écrit quand j'avais 12 ans quand j'avais 12 ans ouais. Et après il fait son vrai spectacle du coup ouais, ouais. Mais c'est, mais c'est bien, c'est malin parce que du coup il fait dès le début il fait voilà donc je ne vais pas faire ça pendant tout le spectacle si vous êtes venu pour ça et il le fait de temps en temps quand il dit qu'il est un peu trop lourd, quand il a voilà, mais voilà donc c'est vraiment très bien, ça dure une heure et quart je crois, c'est au Sentier des Halles, ça s'appelle Bon Chien Chien, l'affiche bah, est déjà un cadeau, ouais, tout, là, est. Tout est vraiment parfait et voilà donc n'hésitez pas à aller le voir. Évidemment humainement il est adorable, c'était une blague. Alors, évidemment, mais tu sais il nous arrive parfois de blaguer dans cette émission. Ouais, c'est un on truc sait con. Jamais. À part pour les blogueurs, on les emmerde. Blog ciné, ouais, ouais s'il te plaît. Eh bien écoutez, passons à la deuxième partie de cette émission. La deuxième partie de cette émission c'est le thème d'aujourd'hui qui sera consacré aux soirées un peu foireuses. Un thème assez large, un thème où il y a plein de choses, vous ne le voyez pas visuellement, mais il y a Anis et Tom qui viennent de se faire un petit « Ouais, mon gars, ouais, mon gars ». On va en parler dans son très grand ensemble, parce qu'une soirée, bah, ça peut être mille choses différentes. Ça peut être un nouvel an comme un truc avec des potes, mais c'est juste un truc dînatoire et c'est tout aussi pourri. Adrien, est-ce que ça peut être une soirée un peu événementielle diffusée à la fois en direct sur W9 et sur YouTube ou pas? Ça s'inscrit dans les soirées ou... Ça peut s'inscrire. Après, tu me laisses la magie du montage. Je te dis juste qu'au montage, je peux faire des trucs. Je vais jamais aux soirées. Je trouve un truc. Qui veut rire mal à l'aise. Pas du tout, c'était mon vrai rire. Non, c'était non. Un rire mal à l'aise. Mais au montage, je mettrai mon vrai rire. Les gens n'y verront que du feu. Qui veut commencer? Quelqu'un a un truc? J'ai envie de commencer par Tom et Anis, mais je me dis, est-ce que c'est pas commencé peut-être trop vite, trop fort? Mais attends, ils en ont plusieurs des anecdotes. Ça risque de prendre un peu de temps. Ah, ben on s'en fout, on est là pour ça. Non. Après, ouais. Toi, tu sais pas raconter. Ouais, voilà. Moi, je balance. C'est pour ça que je suis son backer. Ok. Bah alors, Anis, t'en supplie, lance les hostilités. Non, mais... Et Tom est derrière en backer. En gros, je sens qu'il veut parler de ce qui s'est passé samedi dernier. Oh, attends, vous en avez tellement que tu peux choisir que c'est celle de la semaine. Quoi. Bah, j'ai pas réfléchi. Là, je me rappelle de la dernière. Ah, surtout. Ouais. Mais il y en a peut-être trois, quoi. Un truc comme ça. Quoi. Deux, trois, peut-être, en tout. 37, 38. En vrai, moi, j'ai pas, à part celle de samedi et une autre, mais qui est un peu bordel. Bah, qu'on dira un peu plus tard. Quoi, ouais, voilà, c'est ça. J'ai envie d'être à l'aise avant de la raconter. Ouais, non, bah, y a celle-là qui est cool, quoi. Voilà, c'est samedi, on a fait une soirée tous les deux. C'était une soirée foirée, mais voilà, on va arriver à cette conclusion. Mais il y a un côté cool, quoi. Oui, ouais, mais c'est ça qui est intéressant. C'est marrant. Ça, ouais, c'est foiré au premier plan, c'est peut ça. Être un peu mémorable. Et en vrai, on était que tous les deux. Déjà c'est une mauvaise base hein. je trouve déjà deux mecs c'est une mauvaise base et nous deux de manière générale c'est une mauvaise base. Bon, on a tourné beaucoup ensemble pour des sketchs pour Golden Moustache et vu qu'il avait plein de trucs à faire et moi aussi on n'a pas vraiment fêté ce truc, donc on s'est retrouvé à fêter ce truc longtemps après. On a commencé par les squatter justement une fête, vraie fête de tournage de Baptiste et Hegel. Ouais. C'est ça qu'on avait commencé cette soirée en faisant ça. En vous incrustant, du coup, vraiment. Incrustant, parce qu'on n'a pas du tout tourné du tout dans le truc. On n'avait rien à voir avec ce truc. On cherchait juste un endroit pour lancer la rampe, quoi. En fait, l'histoire, c'était très simple. C'était, du coup, j'ai envoyé un message à Jérôme Niel pour lui dire tu fais quoi? Et on devait boire un verre. Il me dit bah vas-y, je suis à ce café-là. Je dis bah ok, j'arrive, machin. J'arrive et en fait, c'est un pot de fin de tournage. Donc, bon, ok, d'accord. Vraiment, parti pris. Bon, bah, super. Il y a Batégal qui font des. Et quand moi, je lui dis, t'es où? Il me dit, bah, viens. on est au De La Ville Café, le 11, je sais pas qui c'est. Ouais. En fait, il y avait plein de gens que je connaissais pas, des techniciens, qui n'avaient pas envie forcément de me voir. Quoi. Voilà. Donc, c'est parti sur une incruste totale, mais inconsciente. Voilà. Bonne base, histoire de se retrouver dans des conditions pas trop cool. Ouais, mais en fait, ça va, ça a été, comme tout. Ensuite, on est allé à Golden Moustache la nuit. C'est vraiment le truc des losers, quoi. Alors, c'est légal? C'est légal? Ouais. Bah, je sais pas. Bah, on a une carte. En tout cas, voilà, si on n'a plus le droit de le faire, au moins on l'aura fait, quoi. Ouais, et on sera très heureux. Mais attends, est-ce que. Mais pour chauffer des pizzas, c'était pour ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a vraiment tous les ingrédients de la lose. Sinon, on vous le raconterait pas. Surgelé, vraiment. du rhum et du coca chaud. Donc, un moment, c'est-à-dire vraiment, dans toute la ville, vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui voulait vous fournir ces éléments? Sachant que la ville est Paris, capitale de la France, pays plutôt développé économiquement. On a trouvé une fête de fin de tournage, on s'est dit ça va, on ne peut pas trouver mieux. Donc le reste, c'est à nous de le faire. Ouais, c'est ça. Coup, au lieu d'avoir du silex, on a acheté des pizzas. Ouais, c'est ça. Mais c'est venu d'un coup de tête, vraiment, à la base. Mais on est d'accord que ce n'est pas vraiment au centre-ville, tout ça? Ça va. Ouais, non, c'était juste nul. Mais en fait, le truc, c'est que. Est-ce que je peux raconter ou c'est bizarre? Mais ça coupe au montage au pire. Hein. Vas-y, ouais. Vas-y, raconte. Le truc, après, moi, je vais mettre un coup de boost. c'est vraiment naze. Ouais. C'est tellement naze que plus on met du temps, plus ça aura l'air naze. Non, mais la meuf Tinder. La meuf ah oui, Tinder c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que lui, il me dit viens. Une à deux. Mais le fond, c'est. Viens, on est dans un bureau avec du rhum. C'était avant ça. C'était dans le café. Il me dit on, c'est ce que j'ai oublié de dire. Il me dit viens à une fête de tournage où tu connais personne. Et en fait, lui, il est avec une meuf en rancard. J'étais obligé de, d'être avec des gens, ou soit d'être le mec tout seul dans un bar qui a... Non, trop pas. Mais oui, il y avait Jérôme, ça va. Jérôme, mais en fait, le truc, c'est... L'histoire, c'est qu'à la base, je devais juste rejoindre Jérôme, et je devais rejoindre ensuite Anis. Donc j'ai dit à Anis, viens, tu vois. Et en fait, il y a une meuf Tinder avec qui je parle de temps en temps, et on s'était jamais vu, qui me dit, ouais, tu fais quoi et tout. Et du coup, il lui dit de venir. Alors, ça n'a pas de sens. C'est pas normal. Pour lui, c'est normal. Non, mais il me dit, ouais, machin, je suis à Strasbourg-Saint-Denis. Je dis, viens, t'es juste à côté. Tu vois. Du coup, elle vient. Et le truc, le problème, c'est qu'elle est à peu près plutôt sourde, en fait. Plutôt sourde, et on est là, ok. Non, mais super. C'est pas ça. C'est qu'elle faisait une soirée chez elle. Oui, elle faisait une soirée chez elle. Ah oui, j'avais ça. Et elle nous disait, il y a 17 personnes devant chez moi. Parce que là, je fais une soirée chez moi, mais bon, je préfère rester là. Ouais. Et même nous, on lui disait, non, mais vas-y, ça, oui, ça, c'est pas marrant. C'était hyper bizarre. Elle était morte de rire, mais ça se fait pas, tu vois. Mais ensuite, elle a eu une espèce de prise de conscience au bout de 20 minutes de rester avec nous. Elle est partie en courant. Elle lui a envoyé un message en disant, je suis désolé. En fait, je crois les remords sont remontés. Est-ce que c'est pas les meilleurs dates Tinder qui termine par une meuf part en courant? C'est pas... c'est 2 sur 3 en général. Ouais, et donc bref, on va à Golden, etc. On boit un petit peu et on se dit allez, faut qu'on danse, quoi. C'est ça les soirées parisiennes. Et les deux tontons. Allez, il faut qu'on club. Pourquoi on n'irait pas chercher un dance floor? sur internet. Un dancing. Et du coup, on est allé dans l'endroit des Jones, la cité de la mode. Et on est allé au Wanderlust. Là, c'est loin pour le coup. Ouais, pour le coup, là, c'est vous loin. Avez pris un petit Uber et vous avez payé cher. Mais ouais, en plus, ça aussi d'ailleurs. Et il était déjà 3 heures. On était déjà plus dans le coup. Allez, on était un peu bourrés aussi. Et on était déjà un peu bourrés. Et le pire, c'est qu'au Wanderlust, je connaissais quelqu'un, une amie, qui travaillait au bar et du coup qui a fait que ça a basculé dans le mauvais côté. Ah, on avait déjà assez bu. On n'avait pas besoin de cette... C'était la soirée où on n'avait pas besoin de cet ami, en fait. Il y a des soirées, t'as rien et tu te dis, ah, heureusement, elle m'aimait bien. Je peux montrer à mes potes que voilà. Là, ça servait à rien. On était déjà cuits et on a eu des verres gratuits. Donc, on a dansé, etc. Et tout. Et là, ça y est, on n'a plus rien dans le cerveau, à part de l'alcool. On est ressorti et là, ça, c'est vraiment le truc des losers. On s'est dit, viens, on va à la concrète. Yes. La concrète. Vraiment. Alors, qu'est-ce que la concrète pour les gens qui ne sont pas de Paris ou qui sont Adrien Méniel? Ton avis. Moi, je vais donner mon avis. Attends, déjà, est-ce qu'on peut faire un tour de table? Qu'est-ce que la concrète pour vous? Moi, je sais pas. Moi, je vais te résumer parce que là, je suis en mode clubbing, mais moi, je pense que je suis à peu près au même niveau que vous en soirée. Ouais. Mais juste, des fois, quand j'y vais à fond. Mais Marina, t'as l'air de voir qu'est-ce que c'est la concrète. La concrète, c'était des soirées qui changeaient d'endroit au début et après qui se sont fixées sur cette péniche, genre en face, plus à l'est du Wanderlust. Mauvaise et description. C'est un peu genre beaucoup de drogue et de violence. Le mouvement que tu as fait avec la main. Qui est pas radiophonique. Avec la main. C'est la drogue et la musique fort. Beaucoup de violence, non, je pense pas. C'est assez. Non, pour ton normal. Système, je veux dire pour toi. Pour ton corps. Pour moi, c'est simple. C'est un week-end d'inté. Une soirée étudiante de LEA anglais espagnol, une soirée étudiante de médecine, tout ça mélangé dans un bateau avec de la techno énervée. Et c'est que ça, quoi. Les gens sont Adrien, est-ce que ce serait pas la définition du paradis pour toi? Moi, je pense que ça va être mon prochain coup de cœur. prochain podcast, ça va être écoutez la concrète. Coup de cœur. C'est vraiment pour moi ce que j'imaginais des enfers petits. J'imaginais ça. Non, mais c'est ça. C'est l'image dans les années 90 du truc horrible de la techno énervée. Dans les trois frères. Voilà. Ça m'a inspiré pour y aller. Et là, avant qu'on y arrive. Il se fait voler son téléphone. Attends. Je sais que c'est chiant. Moi, je vais dans les mots de l'émotion. Mais attends, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce qu'en fait, le truc, c'est du coup, entre Wanderlust est la concrète. On est là, on est posé et tout, on fait le chemin. Du coup, on commence à discuter, à philosopher avec un mec qu'on ne connaissait pas. On parlait d'appropriation culturelle. Ah, c'est un truc à pas faire à 4 heures. Et c'est la bonne heure pour le faire. Les arguments sont clairs. Vraiment. Et au bout d'un moment, je sais pas, il y a une embrouille, je sais pas quoi, il commence à avoir une cohue. Et il y a un mec qui se met à côté de moi et qui met sa main dans ma poche, comme ça. Et pendant ce temps-là, rappelons-le, il y a eu une baston, c'est ça? Non, je sais pas. Il y a une cohue qui... Ou un qui... Bah, le débat monte, quoi. Ah, le débat monte. Mais je crois que c'était à peu ça, près ça part en finger throat, quoi. C'est ça, ouais, non, ça, c'était par rapport au débat, probablement. Et ce mec-là, que je connaissais pas, commence à mettre sa main dans ma poche. À s'approprier culturellement ton téléphone. Belle métaphore. Et là, du coup, bah, je fais... Bah, je t'ai vu, tu fais quoi? C'est con, vu qu'on est ouais. en train de parler. Non, c'était un mec qui arrivait de nulle part, disons. Ah, un autre. Enfin, je sais plus. En fait, voilà, là, c'est que oui, toi là, qui j'imagine souviens. Qu'à ce moment, ouais. les mémoires sont un peu floues, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'on s'est rappelé par texto. Genre, à un moment, on a fait ça. Et pour comprendre, j'ai dû relire tous nos messages. Ah, par puzzle, vous avez. Donc là, on vous raconte. C'est vrai, ma trip ou quoi? Non, joli. Donc vas-y, continue. Mais donc tu t'es fait choper ton téléphone ou pas? Ouais, absolument. Mais du coup, je parle avec le mec parce que je l'ai grillé. Ok. Et du coup, je lui dis, mec, je t'ai vu, rends-moi mon téléphone. Le mec me dit, bah non, j'ai pas ton téléphone. Ce qui est normal. Il va pas dire, bah oui, j'ai ouais, j'avoue, tiens, prends-le. Mais c'est ça qui est horrible dans cette situation, c'est que tu peux pas le rendre, tu vois. Parce que tu t'es gêné, tu vois. Alors, le mec, il était tout seul? Non, en fait, il avait deux, un pote à lui. Ouais. Bah, le second pote va avoir une importance. Un beau rôle. Cruciale, cruciale. Il a une historique. Non, et ils étaient genre un peu baraque ou. Non, ils étaient normaux, quoi. Ils représentaient la street, quoi. La moyenne du muscle de la street. D'accord, ok. Donc, exactement. En dessous, spartiate. Quoi qu'il arrive, sec en tout cas. Ouais. C'est ça. Et du coup, je parle avec le mec dit bah non et tout, regarde, fouille-moi. Et je dis bah je vais pas te fouiller, je vais pas faire ça, mais juste rends-moi mon téléphone par contre, c'est ouais. pas cool. Et le mec commence à s'énerver, il monte en créneau. En fait, ouais. Son pote, il commence à prendre la défense de son pote du voleur. Ouais, ouais. Du coup, il y a Anis qui fait attends, je vais lui parler. Attends, du coup, il le met sur le côté comme ça. Et du coup, je parle énormément de temps avec lui et il me dit je vais te taper. Je dis bah écoute, moi je vais pas te taper. Si tu me tapes, je vais te taper. Mais je vais pas commencer par ça pour un portable. Du coup, juste rends-le-moi et je vais rester avec toi jusqu'à que tu me le rendes. Du coup, j'ai été chiant pendant 10 minutes. Je l'ai suivi en fait. Basiquement, vraiment, je l'ai juste suivi. J'ai fait rends-moi mon portable, mec. C'est tout, tu vois. Et ouais. C'est un peu une démarche. C'était ça que font les harceleurs de rue en fait avec les femmes. C'est juste, c'est le même genre de méthode. C'est ça. Et bah, pour obtenir du sexe. Ouais, c'est ça. Non, mais figurez-vous que ça a fonctionné. Le mec, on a eu marre. Et il l'a acheté dans la Seine par contre. Non, il me l'a donné comme ça. Il m'a dit toi, tu passes pas à Marseille, sinon je te défonce. Forcément. Vraiment, donc le service, c'est pour toi. Ouais, c'est bah oui. Non, mais forcément, quand il craque, il est obligé d'avoir. Voilà, oui, il y a une ça doit être accompagné d'une menace. Il peut pas juste te rendre ça va. Il a interdit une ville. Ouais, en France, ça va. Loin, et qui de vraiment, base, c'est pas, tu vas voilà. pas comme ça à Marseille. Quoi. Franchement, ça vaut un téléphone. J'ai joué le jeu, j'ai fait ah c'est relou, tu vois. Ah merde. Attends, j'annule. Toute ma famille est à Marseille. Ah, fais chier quoi. Vraiment, je voulais y aller il y a deux semaines et tout là, j'ai pris mes billets. Mais cette vision du monde que tu fais des trucs mal et ensuite. Tu en veux aux gens et c'est toi qui essaies de faire le. C'est des gymnastiques mentales de. Trump, c'est tellement fort. C'est dingue, c'est quoi. Ouais. Non, mais c'est là où on va rebondir sur la suite de l'histoire. Parce que ça, c'était. Voilà, c'est la communauté de l'anneau. On se passe sur deux tours. Parce que toi, t'es content, tu te retournes et Anis est à poil. N'a plus de vêtements. Non, mais je crois que j'ai fait pire. Si je me souviens, c'est que moi, j'ai été pris de pitié pour ces voilà. mecs. Voilà, et en fait, il a tapé l'amitié. Je leur ai dit, putain, j'avoue, c'est chaud, vous raquettez des gens. Parce que vous faites pitié dans la vie. Donc, venez avec nous à la concrète. C'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais. Et ils sont venus. Il y en a un des gars qui est venu. Et avec du coup, bah, le voleur déjà, il s'est dit, là peut-être j'abuse. Déjà, là si je viens, je suis vraiment un bâtard. Ouais, déjà rentrer avec deux personnes, deux mecs à la concrète, c'est pas dur, mais c'est pas optimal. Donc là, arriver avec un mec qui raquette des gens et tout, bah forcément parfait. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, on s'est fait recaler. On n'était pas contents. Et moi, en fait, de me dire, putain, ça se trouve. Enfin, j'essaie de repenser à mon cerveau de mec bourré. Ouais. Je me suis dit, putain, j'aurais pu rentrer si j'étais venu qu'avec Tom. Mais le fait d'être venu avec un mec. Un voilà, j'y croyais. Mais moi, dans ma tête, j'étais en mode devenir avec quelqu'un, une minorité, un pauvre mec qui est perdu. Je me fais recaler pour ça. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe, moi, dans ma logique? T'es allé voir le videur? Ouais. Et je pleure. Oh, oh non! C'est ma logique de mec bourré. Oh, c'est un peu mignon quand même. Comment ça, on recale les gens, là, là, là, putain. Mais tu t'as pleuré pendant que tu parlais au videur. Ouais, je crois que c'est vrai. En vrai, c'était hyper puissant. Comme vraiment, théâtralement, il y avait... Ouais, c'était non, vraiment extrêmement c'est dense. Un peu joli, quand même. Non, moi, j'aime bien. En fait, le truc, c'est vraiment... Oui, pardon. En fait, l'histoire, du coup, c'est qu'on arrive devant, on se fait recaler. Anis est choqué et déçu, vraiment. Réaction logique, chimique même. Mais pourquoi ? C'est parce qu'on est beau, c'est parce qu'on est deux robots, c'est ça, machin et tout. Moi, j'étais au milieu, je pouvais rien dire, j'étais là, les gars. Donc toi, tu parles de fracture sociale en France, tu sais ouais, plus une bah, soirée. On a commencé sur ça, on a commencé sur la propriété. Moi, j'étais dans le thème. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il fallait dire stop. Mais en fait, le truc qui était vraiment fort, c'est que en fait, il y a Anis qui n'arrêtait pas de, ça le touchait vraiment sincèrement et du ouais. coup. Moi j'étais sous, du coup ça me touchait aussi sincèrement, tu vois. Et le truc. Et on a fait une chanson. On va passer tout de suite. Et non, non, mais ça en fait. C'était une meilleure fin que la fin qui arrive. C'est vrai. Ok. Ouais. Mais en fait, au-delà de ça, il faisait trop dans le romanesque en fait. Et ça devenait. Des fois, ça devenait un peu relou. Putain, hein, mais il est critique théâtral quoi. Moi, j'ai aimé le fond de la pièce, mais le surjeu. Ouais. Non, non, mais à un moment, tu m'as dit. Parce qu'en fait, on s'est mis un peu sur le côté. Je dis, mec, c'est pas grave, on fera autre chose et tout. Et tu m'as fait, non, non. J'y retourne une dernière fois et je vais leur dire, est-ce qu'on rentre ou pas ? Et genre vraiment, le mec, je fais, arrête, il me fait, lâche-moi et tout, tu vois. Genre vraiment, il en fait des caisses de ouf, quoi. Ouais. Genre, on arrive devant le vigile et fait, alors, maintenant, on n'est que nous deux. Là, voilà, on a eu notre discussion. Un homme face à un autre homme. Ouais. Et vraiment, il fait, est-ce qu'on peut rentrer ou pas ? Et là, le mec regarde, il fait, bah non. Et là, il y a vraiment un disque qui regarde comme ça, il fait, au revoir. En pleurant avec les yeux. Giscard d'Estaing. Mais c'est fou. Et vraiment, c'était hyper puissant. Et c'est dommage que t'étais trop sous parce que tu l'as fait 4 fois ça du coup. Ah mince, du coup c'est moins puissant. Ouais. C'est divisé par 4. Ouais, c'est ça. Non, voilà, du coup tu peux. Non, mais c'est joli quand même. Non, parce qu'il y a des gens, quand ils sont bourrés, ils tabassent des gens. Ils vomissent. Voilà, vous, toi tu défends les minorités en pleurant. Je trouve ça stylé quoi. En vrai, je trouve ça stylé quoi. Et après, du coup, je sais pas, je crois que c'est toi qui as proposé ça. On avait tenté d'aller au Café Barge. Alors, on cite des petits lieux. Alors que moi, vraiment, un vrai nom de truc. Une seule fois, on me recale, c'est bon, je suis chez moi, c'est terminé. C'est fin de soirée, c'est terminé. La vie est de la merde. Moi, si on me dit, ouais, on va à un endroit où il y a un vigile qui décide si tu rentres ou pas, je viens pas. Va chez moi, déjà. Non, mais en fait, on a passé le switch de. Genre, il est 2 ou 3 heures du mat. Là, il est vraiment 7 ou 8 heures du matin. Ah oui, voilà. Donc, en fait, c'est les miettes, là. Ouais, ouais, là. On était sur une autre temporalité, les gars. Non. Oui, là, tu vas à Chipotle. Ouais. Tu vas prendre un McMorning. Non, mais du coup. Et du coup, on tente d'aller au Café Barge. Et là, bizarrement, il y a grave la queue, en fait. Il y a plein de monde. C'est l'after. Peut-être en fait. C'est la soirée que les gens à 7 heures du mat. En fait. C'est la communauté des losers, quoi. Il y a grave la queue. Et nous, on est grave bourrés. Et on se dit. Bah, on va pas faire la queue. Et là, faut savoir vraiment, il y a une heure de queue. Depuis tout à l'heure, tout ce qu'on vous décrit comme endroit, ce sont des péniches sur la Seine. Mmh. Et du coup, là, on se dit, bon, en vrai, c'est quoi ? C'est un bateau. Un bateau, il y a plein de moyens de monter. Oh merde, non. Monter sur un bateau. À l'abordage. Non, mais commence d'abord par. Je me souviens plus, là. Moi, je suis. Oui, voilà. J'essaie de raconter dans l'ordre. Ouais. Anis, en fait, étant sous et vraiment remonté par ces histoires, moi, je voulais pas trop faire la queue. Et j'ai dit, viens, on trouve une solution pour pas faire la queue. C'est vraiment, ne faites pas ça chez vous, quoi. Vraiment, ouais. Soyez. Non, mais depuis le début, on a oublié de le dire, peut-être qu'il faut tout ou rien faire. Que... C'est pas à partir de maintenant. Là. C'est déjà trop tard. À la limite, être contre le racisme, c'est pas mal. C'est le seul truc bien de votre histoire. Oui, mais obligé de pleurer. Il y a et il faut pas se faire racketter pour montrer qu'on est contre le racisme. C'est pas un but. Il y a pas besoin de ça. Voilà. En fait, du coup, on va dans la queue. Il y a Anis qui fait. Vas-y, t'inquiète, je vais trouver une solution. Du coup, il va voir directement le vigile. Il lui sort des sornettes. Il lui dit, ouais, je suis sur liste et tout, tu vois. Je suis youtubeur. Mais ouais, je suis youtubeur. Enfin, tu vois. Je bosse pour tel site. Pourquoi je me censure ? Je bosse pour Combini, tout ça. Dis. Ouais. J'ai dit des noms de journalistes là-bas. Oui, oui. Ils cherchent ce nom. Cherche ce nom. J'ai vraiment tout sorti. Et vraiment, le vigile était pas méchant, mais vraiment, il dit, bah non, t'y es pas, quoi. Donc, à un moment... Pragmatique, en fait. Ouais, je suis désolé, mais vous devez faire la queue, monsieur. Et toi, tu fais, ok, pas de souci. Vraiment... Pas de soucis. Mais en fait, sur la queue. Et là, j'ai pleuré encore. Voilà. Non, magie du truc, c'est qu'il se fait reconnaître par deux ou trois deux ou trois personnes. Ah oui, j'avais oublié ça. Et du coup, il fait des photos et tout. Et il y a Vigil, il fait ah, mais en fait, il me dit un truc, ce mec, tu vois. Ah. Putain, ça marche vraiment. Putain, ouais, ça, c'est la même chose. C'est le genre de truc, j'aimerais que ça marche quand je suis pas bourré, ça. Ouais, bah, j'en ai vraiment besoin, quoi. Bah, oui. Pas à 7 heures du mat, putain. Mais bon. Mais c'est fou, bah oui. Mais du coup, on retourne dans la queue et tout, on attend. Et en fait, là, c'est moi qui ai la mauvaise idée, pour une fois. En gros, le truc, c'est. On est sur une péniche, en fait. On attend, en fait, sur le quai de la péniche. Mais du coup, on a une péniche et on a deux passerelles. Donc, en fait, il y a la passerelle d'entrée, où là où il y a la queue, et il y a derrière. Du coup, je ne sais pas trop pourquoi ni comment, en fait. On a dit, vas-y, viens, on passe par derrière. Du coup, on a pris la passerelle de derrière, on a escaladé le truc. Et en fait, on est passé en mode Hitman. ça. Donc en fait, on a vraiment. Non, à la rambarde. C'est ça, ouais. Ouais, au-dessus de la Seine. Au-dessus de l'eau, ouais. Ouais, ouais, okay. Ce qui est à peu près dangereux, je crois, tu vois. Ouais. Bref, c'était un peu. Jusqu'à une fenêtre ouverte. Jusqu'à une fenêtre vraiment, ouverte. Vraiment, un jeu vidéo. Quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment on a vu une solide, fenêtre ouverte. Ouais, mais vraiment, on a vu une fenêtre ouverte. On a dit, bah parfait, on va rentrer. Il y a un checkpoint. Faute grave. Ouais, faute grave. Vraiment, il fallait pas faire ça. C'était la deuxième. Ouais, c'est j'ai ça. J'ai eu la solution du jeu après. Et c'est la deuxième. Ouais, c'était la deuxième en fait qu'il fallait prendre. Et on prend la première et du coup, on tombe sur quelqu'un. Pas tout de suite, je crois. C'est si, en fait, d'abord on monte. On s'est hugué en fait. Ah ouais, stylé. Et après on a fait, mais en fait il y a personne ici, c'est normal. On était dans l'endroit condamné en fait. Ça c'est le vrai moment de lose pour moi, que je le souligne, parce qu'on s'est fait un hug pour ça. Ouais, c'est vrai. On s'est dit, on est trop fort et tout. C'est le meilleur moment de notre vie, alors que pas du tout si tu dézoomes. C'est pas terrible. Et du coup il y a un mec qui nous voit en train de nous hugger. Il fait, bah, vous faites quoi ici, les gars? Bah, on cherche les toilettes. Tu vois? Il fait, bah, très bien, je vais vous les montrer. Et en fait, il nous ramène vers la sortie. Il fait, vous refaites plus ça, en fait. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, mais très gentiment, tu vois. Tout s'est fait dans les règles de genre, vous êtes con, quoi. Ouais, bon. Et voilà, mais attends, après, vous l'avez fait quoi? Il y a une petite note finale cool. J'essaie de finir en résumant. Il y a une note finale cool, c'est que on arrive à convaincre un autre vigile ou je sais pas, un autre mec. Au même endroit, en ressortant les mêmes douilles. Ouais, combini. Et là, à un moment, moi j'étais vraiment dans la queue. Et du coup, j'attendais, je disais, je prenais vraiment mon Uber. Et moi, j'arrive de l'autre côté. Je suis du côté VIP et le mec me dit ok. Et du coup, là, du coup, je dis, hé, Tom. Tom, ça marche. Ça marche, c'est limite ça. On rentre. Je me souviens, le dernier truc que je me souviens, c'est de, tu sais, le moment quand t'arrives dans un endroit et que tu te dis waouh. Je me souviens juste, c'est le dernier souvenir que j'ai. Après, après tu dormais sur le canapé. Bon, fait après, j'ai dormi, ok. Ouais. Et du coup, voilà, on a fini. Vous avez réussi, non, mais voilà, la bonne fin, c'est que vous avez fini par réussir à rentrer dans ce putain de truc. Pour pioncer, finalement. Voilà. Après, ce qui est très drôle, en fait, pour résumer cette soirée, en fait, elle est pas nulle, mais le truc, c'est qu'on n'a pas passé notre temps à s'amuser comme on devrait faire à une soirée. Mais juste à lutter contre à le système, en fait. voilà. C'était un peu la conclusion du c'est bordel. Une très belle, c'est une très, très belle histoire. Vous avez vécu plus de choses en une soirée que moi dans ma vie. Bah, du coup, bon, on enchaîne peut-être un peu. Du moment, Marina, est-ce que tu as un truc, toi, une soirée? Moi, je veux faire déjà une petite digression sur le vol de téléphone portable. Ouais, de ces gens que tu vois voler. Ma meilleure pote à l'époque, elle était à la fac, elle allait réviser à Beaubourg, et pour aller dans la bibliothèque de Beaubourg, si t'arrivais tôt le matin, genre le samedi, il fallait faire la queue, tu vois, ils te mettaient dans ces petits trucs, oui, comme les aéroports. Il y a encore ça d'ailleurs. Ouais, je pense, ouais, mais j'ai plus d'amis étudiants malheureusement. Et elle est en train d'écouter la musique sur son téléphone, et elle voit une main derrière elle qui surgit, qui va dans la poche intérieure de sa veste. Et qui prend son téléphone, sauf que le téléphone est toujours accroché à ses oreilles. Donc elle se retourne. Oui, elle est tirée par les écouteurs, en fait. Ouais. Elle dit à la fille, t'as pris mon téléphone? La fille dit, non. Elle reprend son téléphone, elle le remet dans sa poche et elle se retourne, sauf que tout le monde reste dans la queue pour aller à la bibliothèque de Beaubourg. Donc il y a une demi-heure derrière cette personne qui, genre, ma pote, elle avait pas envie de s'embrouiller. La meuf se sentait un peu con, mais je pense qu'elle voulait quand même aller réviser les vétérinaires ou je sais pas ce qu'elle faisait. C'est beau. Elles sont juste restées l'une derrière l'autre. Incroyable. Ou alors elle s'est dit, non mais là si je fuis, ça fait voleuse. Je vais faire genre, je vais à la bibliothèque. Alors que si je révise, si je révise, elle va être juste moins voleuse. Si je révise, elle a un doctorat maintenant. À la base, elle était de passage, elle a un doctorat maintenant, la meuf. Parce que si je révise, peut-être elle va juste se dire, ah non, bah j'ai trompé de poche en fait, c'est juste ça, la merde. Elle voulait fouiller sa propre poche, elle a mis la main dans la mienne. Tout simplement. Une fois, ça lui est arrivé dans un musée, elle a appris tellement de choses. Dingue sa vie. Alors soirée, moi je pense la soirée, une des soirées les plus nulles de ma vie, c'est Et c'est un truc que j'aimerais bien développer pour la scène d'ailleurs. Parce que je fais aussi des blagues sur scène. Si vous ne trouvez pas de place pour aller voir Thomas VDB, venez voir Marina Rollman les mercredis et vendredis à la Petite Loge. T'inquiète pas, on fait tout un truc promo à la fin. Super. Ouais, mais tu vois, je fais au milieu s'il y a des gens qui décrochent. On peut en perdre, bien on joué, en perd toi. Toujours. C'est pour ça que j'ai mis les questions à la fin. Ah, les gens qui ont fait les rêves jusqu'à la fin. Pire soirée du monde. Alors, je recontextualise. J'ai genre 18 ans, je viens de passer mon bac et je tombe amoureuse d'un mec que je rencontre dans une compétition de merde, comment ça s'appelle le bordel, kitesurf, de roller. Le mec est roller bladiste professionnel. Incroyable. Tu peux t'arrêter là. C'est vrai que, oui. Horrible comme soirée. Pas. Et donc ça se passe dans un bled en Suisse qui s'appelle Bulle. Comment Bulle. Bulle. Ça comme... s'écrit comme une bulle. Ouais, hein. Comme une... Ah bon, vraiment. Et voilà. Ouais, ouais. Et, attends, juste je digresse, mais ils n'ont pas eu l'idée de faire un festival de BD là-bas? C'est parce qu'il y a vraiment possible. Bulle dans le nom quasiment. Alors de chaque festival. Alors c'est possible. De en revanche, il y a en tout cas une boîte de nuit qui s'appelle Ébullition. Oh. Ah. Et je crois les meilleurs rollerbladistes de Suisse. Alors voilà. Aussi. Non, alors le mec est ricain. Donc voilà, c'est non, c'est vraiment une compétition. Alors ça, c'était une compétition assez importante. Par contre, t'as rajouté, il est ricain. Il y a un vrai skatepark bien et tout. Donc on passe deux jours, on est sous des tentes, on se lave pas, on est avec des copains. Moi, je tombe amoureuse de ce mec qui a les looks, va pas, tout, rien ne va. Si vous voulez le googler, il s'appelle Alex Brosco, Broskow, et il a une tête, il a une espèce de mulet, des dents cassées, un tatouage de sa mère sur le bras. Enfin, c'est vraiment un redneck. J'adore. Et donc, je tombe amoureuse de lui et tout. Et je dors entre lui et son meilleur ami, dans toute chasteté, pendant ce week-end. Mais voilà, ça nous suffit pour tomber amoureux, parce que tu vois, il n'y a pas de tente, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de machin. Ok, ouais. Très bien. Tombe amoureux, longue relation épistolaire avec ce cher Alex. Vous êtes tous en train de le googler. Exact. Je t'écoute, mais. Et voilà, c'est celui-là. Ah, okay. Ouais, oui, ouais, ok. Si vous voulez être un. C'est une sorte de. C'est Damien XVI. Voilà, on va dire que c'est Damien XVI. Oh, ouais. Oh, c'est rigolo. En tout cas, la coupe, vous ne l'avez jamais vue de votre vie. J'ai jamais vu cette coupe. C'est un mulet. Juste pour ça, c'est un mulet. C'est. Ouais. Bah, c'est plusieurs Guns coupes. Guns N' Roses rencontre le mulet des enfers. Il s'est quand même calmé depuis. Ouais, ça va mieux. Il est sur quelque chose de plus. Maintenant, il est le chanteur de Jamiroquai. Et il a l'air sympa. Il est super. Il est hyper chou. Non, il est vraiment... ouais, ça a pas l'air sympa sur la photo que j'ai, mais... Non, mais c'est un petit monsieur Toussaint. Et donc on se dit, ah putain, on s'adore, c'est incroyable, les emails, c'est incroyable, les dictionnaires français-anglais, c'est vraiment une belle romance qu'on vit. Et quelques mois plus tard, après l'avoir vu donc, une soirée et demie dans ma vie, je vais voyager, je finis mon bac et je vais voyager 3 mois aux États-Unis et on décide de se retrouver. Et alors, je le retrouve une première fois pendant genre les LG Games, c'était un gros machin à Dallas, machin, truc et tout. Ça, c'était un truc un peu marrant parce qu'on était tous logés dans une espèce de Hilton incroyable qui était partagé par des hommes d'affaires texans, donc vraiment des moustaches qui cachent la bouche et vraiment des mecs avec des Stetson et en même temps des mallettes. Et en même temps, genre, que des petits enfants du roller partout, un peu tout tatoué, dégueulasse. Et tout le monde dans ce grand Hilton avec genre des fontaines au milieu de la réception. Un truc. Bon. Donc là, on s'aime encore bien et tout. Et puis on continue ce trip, on se recroise à plein d'étapes de mon voyage et c'est hyper sympa, jusqu'au moment où il me dit, mais tu sais quoi, juste avant que tu rentres en Suisse, viens chez moi à Kansas City, qui est une ville où il y a moins d'excitation que sur le reste de notre parcours jusque-là. Et je dis, non, ça va être bien, c'est une bonne idée d'aller à Kansas City. Kansas City, il ne faut jamais se tromper, c'est dans le Missouri. Ouais. Pas dans le Kansas. Ils aiment trop faire ça. Quoi. Ils adorent. Tout est limitrophe et on ne sait pas pourquoi. Et Kansas City, à l'époque, ça va pas très... c'est pas Détroit, mais c'est pas, c'est une cousine un peu. Quoi. C'est pas, ça ne va pas super, super. Ah ouais. Et donc, lui, il est en coloc avec son meilleur pote et ils ont des petites baraques un peu choumarrantes. Et donc, je débarque là-bas, genre le 22 décembre. Et il a neigé, mais il n'y a un peu que des autoroutes. Donc, il y a un peu de la neige grise sur les bords des routes, un peu de la bouillasse. Petit foutre. Voilà, voilà, exactement. Et le problème, c'est que quand j'arrive là-bas, on se rend compte que finalement, on n'est pas si amoureux que ça. Et moi, j'ai peu d'autres amis à Kansas City, si tu veux. Et donc, je suis chez lui et on baisse. Enfin, rien ne va. Je prends des douches trop longues. Ils sont flippés avec son coloc parce que, genre, ils payent l'eau et le chauffage au dollar près. Enfin, machin. Donc, moi, pas hyper welcome. Donc, je passe ma vie un peu genre par moins 15 à fumer des clopes dehors pour accélérer le passage du temps, finalement. Et un soir, il voit dans un journal local... Je sais, il y a beaucoup de contexte à ma soirée, mais... Donc, il voit dans un journal local que Vincent Gallo, le réalisateur de Buffalo 66 et Brown Bunny, des trucs comme ça... il joue avec son groupe à Kansas City. Enfin, on y va. Ouais, ok, parce que de toute façon, moi j'ai déjà fumé 52 cigarettes aujourd'hui, donc allons-y quoi. On décide d'y aller. Donc, je me retrouve avec les potes d'Alex, Alex et moi, et personne ne s'aime. Enfin, eux, oui, mais moi, je me sens seule. Ouais. Et j'arrive dans ce truc, et c'est une ancienne station-service qui a été un peu réhabilitée. C'est un hyper bel endroit, mais il n'y a pas beaucoup, tu vois, il y a moins de 100 personnes dans le truc. Vincent Gallo qui arrive, et il a une espèce de formation incroyable. Il y a une meuf habillée tout en doré, qui est sur un clavier, qui fait des trucs de ouf. Je pourrais plus te dire, espèce de synth-pop un peu psychédélique, hyper bien. Concert trop, trop bien. Moi, comme je suis pas très bien dans ma peau, je prends des... Tu sais ce qu'ils font dans les films où ils disent genre, ça va pas aux États-Unis, ils arrivent au bar et font un whisky double. Et tu sais, c'est vraiment un petit verre à eau qui te remplissent de whisky. Bah, ils font vraiment ça hein, dans ce pays. Et donc, moi, j'en prends comme ça, je vois plus le temps passer. Je prends vraiment beaucoup. Je suis vraiment pas très bien dans ma vie. Je suis ivre. Le concert se termine. Je vais voir Vincent Gallo en lui disant « Do you sell cassettes ?» Il entend « Do you want to have sex ?» Il me fait genre « Yeah, why not ?» Et moi, je fais genre « Oh non, non, c'est un malentendu. » Vincent Gallo, vraiment, genre, pas du tout de complexe à te proposer d'aller niquer je sais pas où. Mais après, il me confirme un truc qui est assez joli où il me dit genre « Non, effectivement, on fait pas de cassettes et tu peux pas retrouver les enregistrements. » Puis il me dit « Mais en fait, t'étais là. » Je fais… Wow. C'est vrai, c'est cool. Il est fort ce Vincent. Il a dit tu veux me sucer à la fin de mon film. Ensuite j'ai un peu les émotions qui sont au plus haut, donc je vais vomir. Et ça m'arrive très souvent dans des dates amoureuses de vomir, parce qu'il y a très souvent des moments où je suis pas bien dans ma vie et je bois trop vite et je vomis. Et donc je vomis et je reviens, ouh là là, hop, comme si de rien n'était. pas de brosse à dents, mais très sûre de moi. Et là il m'emmène dans un diner qui est un peu dans ouvert. Alex, les mecs avec qui j'étais, ils m'emmènent dans un diner et je découvre les hash browns, qui est genre des patates un peu trop bon. Écrasées en allumettes et grillées comme ça, qui est la meilleure nourriture de ma vie. D'accord. Et c'est un moment vraiment magnifique que je vis. Et en fait, j'ai jamais retrouvé trace de ce concert, ni enregistré, ni sur les internets. Donc, je ne sais pas si j'ai rêvé cette soirée. Mais du coup, après, je suis partie de Kansas City et on ne s'aime pas du tout avec ce garçon, mais j'ai découvert les hash browns. Donc, en fait, c'était vraiment une soirée nulle, mais c'était un des très beaux moments de ma vie aussi. Quoi. Et quand tu passes un très mauvais moment comme ça en relation dans un truc où tu n'as aucune sécurité, disons, tu n'as aucune amitié ni rien et tout, comment tu dis au revoir à des personnes comme ça? Et alors, tu ne crois pas si bien dire. Le matin, je suis partie assez tôt pour qu'ils dorment encore. Ouais, j'ai couru. C'est ça, tout simplement. Ah putain, il y a des amis chez moi, je suis con, j'avais oublié. Et j'ai laissé des petits bonbons, un peu genre, sa chambre, elle était à l'étage, et j'ai laissé un peu des petits bonbons sur les marches avec un petit mot, je crois que j'ai juste mis genre « Sorry !» et je suis partie. C'est la meilleure chose à faire. Ouais. T'as fait l'effort des bonbons. Ouais. T'as fait l'effort des bonbons. Voilà, et le petit tu as accompagné ta lâcheté de bonbons. C'était une lâcheté un peu sucrée. Adrien, est-ce que tu as un truc? Parce que toi, je sais que bizarre, Adrien, parce que je vais juste faire une petite intro, t'introduire. Non, j'aimerais un truc, parce que, en fait, moi, Adrien, c'est mon meilleur compagnon de soirée, parce qu'il ne boit pas non plus. Et j'ai vraiment des gros fous rires avec Adrien. Je rigole beaucoup, parce qu'on est totalement à jeun et on comprend tout ce qui se passe. Et il adore danser. Et moi, j'adore danser aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas des gens sobres qui jugeons ce qui se passe de loin, d'un air dédaigneux. C'est qu'en fait, ce qui est trop bien, c'est que les gens... Enfin, Adrien l'est parfois dans la vie, mais voilà. En tout cas, on se marrait pas du tout. Pour avoir dansé avec Adrien, je confirme. Ouais, non, il super danseur. Il danse vraiment... très, très bien. Et surtout, il met l'ambiance, quoi. T'es bien. Et les gens bourrés aussi. Moi, j'adore aller en soirée avec des gens bourrés parce que ils dansent. Enfin, ils sont moins. Ils se lâchent plus. Oui, c'est quoi. Une des raisons pour lesquelles on prend de l'alcool. Voilà, c'est pas uniquement pour se niquer le foie. Voilà. Mais du coup, en tant que mec sobre, je suis pas dans le jugement. Je suis vraiment dans le truc de c'est cool, putain. Moi même, alors que j'ai pas bourré, je peux faire un peu n'importe quoi. C'est admis. Tu vois, il y a un peu un truc là. Vous êtes ces connards qui pourraient aller à ces soirées à 8h du mat avant le boulot où tout le monde est sobre et boit des jus et danse, mais que pour la joie de la vie. Donc voilà, c'est la petite intro que je voulais dire. Et en même temps, à côté de ça, t'es pas un gros fan. Faut vraiment que la soirée, tu te marres, quoi. Non, en fait, moi, dès lors qu'il y a plus que 5 personnes dans une pièce, déjà, je commence pas forcément à être très, très, très bien. Donc forcément, les soirées, c'est pas trop mon truc. Après, comme t'as dit, moi, j'aime beaucoup danser. Et donc, si t'es dans une soirée où t'as de l'espace pour danser, etc., parce que souvent, il y a aussi les boîtes, pas forcément beaucoup d'espace. Et du coup, danser, c'est plus... Je fais semblant. Bouger les épaules et faire et puis faire ça avec les mains. Et donc, moi, ça me... Enfin, et puis même le bruit me casse les couilles et la musique aussi je pense non mais en fait enfin si je suis pas s'il y a beaucoup de monde s'il y a de la foule et tout ça c'est pas je suis pas bien quoi donc je sors je fais pas beaucoup en soirée Mais en fait, bon, ça va être moins marrant que vos histoires parce que c'est plus un petit plan loose de merde. Mais non, mais attends, mais c'est un peu lié au métier, un métier qu'on connaît un peu. Non, en gros, c'était parce que Golden Moustache faisait. Alors, je veux pas dire de conneries, mais ils avaient un deal avec une boisson gazeuse. Oui, à l'orange, tu veux dire ? Oui, mais je ne sais plus laquelle des deux. D'accord. Parce On en a fait deux. mais bref, et en gros, il y avait une meuf qui représentait la marque, qui venait souvent à ce moment-là à Golden Moustache, parce que il y avait des deals, machin, etc. Donc elle venait parler avec les gens. Et c'était à l'époque, Golden Moustache était à Neuilly, donc c'était tout petit. Ouais. C'était une pièce en fait. Quoi. Ok, un open space. Orangina, je crois. Ouais, je pense. Je pense que c'était. Ouais. Disons les marques du coup. Ouais. Non, peu importe de toute façon. Ouais. Et en gros. Qu'elle le sache juste. Voilà. Disons le nom de la meuf. Je crois. peu importe quoi. Et en gros, donc vraiment, quand tu venais à Golden Moustache, tu venais dans une pièce où il y avait tout le monde. Donc la meuf, on la voyait, on voyait qui c'était, on lui disait bonjour, machin, etc. Et les gens de Golden Moustache disent ah, mais il y a une soirée ce soir. Elle nous a dit qu'il y a une soirée. On est invité, Golden Moustache et tout. C'est au Palais de Tokyo. C'est cool. C'est mieux que tous les endroits qu'on a cités. Ouais. C'est mieux que le Truskel et la Concorde. Je veux bien croire que c'est mieux que le Truskel. Et du coup, ils disent Golden Moustache, on est invité et tout. Et du coup, moi, je fais genre ouais, bof, quoi. Enfin, je suis pas hyper chaud. Et voilà, je me laisse un peu entraîné par les autres gens de Golden Moustache. Je dis ah, mais cool. Mais j'y étais moi aussi à ce truc-là. Je pense que. C'est le parking Non. Le toit. Non. C'était pas la porte de Versailles non. Okay. non. Pardon, autant. L'ascenseur non. non. Quelqu'un, un autre lieu. L'escalier. Le monte-charge Non. Ça tue, le tu chauffes, tu chauffes. non. Et en gros, je dis bon, bah, ok, allons-y, quoi. Et donc on prend un taxi, je crois. On paye un putain de taxi pour aller au Palais de Tokyo. Et moi, je suis moyen chaud, quoi, à la base, tu vois. Mais je me dis, bon, allez, vas-y, arrête d'être ronchon. c'est peut-être chambé les soirées, t'en sais rien. Tu vois. Et donc on arrive et il y a beaucoup de gens qui font la queue, quoi. Donc on essaye de voir si on peut passer par un truc VIP parce qu'on nous a dit qu'on était invité. Et le mec fait Golden Moustache, enfin vous n'êtes pas sur la liste, quoi. Donc j'aurais dû partir tout de suite déjà. Oui, voilà, c'est ça. Et le videur, mais je bosse à Combini. Non, et là, bon, on s'engraine un peu tous ensemble à se dire non, mais c'est le videur, il est peut-être pas au courant. Bon, bah vas-y, on fait la queue, ça va nous prendre une demi-heure, après on va rentrer. Il y a un peu tout internet à ce moment-là en plus. Moi je me souviens, il y avait beaucoup de gens. Sauf qu'il y a tout internet qui vient et qui rentre tranquille, quoi. Oui. Juste nous, Golden Moustache, de la merde. Juste nous, non, quoi. Très peu dans une queue. Je me souviens de Maxime Musca d'anévrisme. Je me souviens de Maxime Musca qui nous parle, qui fait bon, on rentre. Et il y va et il rentre. Et nous, on essaye après. Et il fait non, les gens, les videurs nous font non, mais lui, c'est Maxime Musca, il peut. Vous êtes qui en fait ? Donc c'était vraiment terrible. Donc on fait la queue, ça commence à être un peu long et tout. Je fais putain, machin. Là, je fais bon, les gars, sérieux, moi, je vais me casser et tout. Et là, il y a un gars de la marque de boisson gazeuse, a priori. Je vais roter hors micro. Super. Il y a un mec qui arrive et il reconnaît. Il y avait Jules Fou qui était avec lui. Ouais. Et il reconnaît Jules Fou. Et le mec reconnaît Jules Fou et lui dit bonjour, genre comme si c'était son pote et tout. Il fait ça va et tout. Et donc Jules Fou est genre ouais, salut et tout. Il fait non, mais je suis un mec d'Orangina. On va dire que c'est Orangina, hein, tant pis si c'est pas eux, ça sera pour votre gueule. Il fait non, mais je suis d'Orangina et tout. Et il fait attends. Et le mec est un peu trop familier déjà pour mon goût, tu vois. J'aime bien qu'il y ait des étapes dans la familiarité. Le mec est direct, il fait des blagues et tout. Attends, calme-toi, ça fait une demi-heure qu'on se fait chier. Donc tu vas pas mettre l'ambiance d'un coup, calme-toi. Et le mec fait non, mais attendez, vous faites la queue là ou quoi ? Il fait ouais. Il fait non, mais n'importe quoi, attendez, venez avec moi. Et le mec, nous on était dans la queue, on était quand même en place. Là, il y avait des gens derrière. Là, vous la perdez. Donc on se casse, on fait le tour, le mec nous dénoue. Et le mec fait le tour, il va sur le côté, là où il y a un autre vigile. Et le mec fait attendez, c'est bon, restez là et tout. Et je le vois de loin parler au vigile et tout, faire ouais, machin. Et le vigile fait non de la tête, genre. Et le mec revient un peu merdeux, il fait. Vous pouvez pas rentrer, désolé et tout. Donc on refait la queue de zéro, quoi. En gros, on retourne. Ouais, désolé et tout. Donc on retourne dans la file d'attente. Donc là, très vraiment, je suis vénère, je sais même pas pourquoi je suis encore là, vraiment. C'est parce qu'il y a tous tes copains, il y a une bonne ambiance. Il y a, à ce moment-là, il n'y a plus une super ambiance. Vraiment, il n'y a plus une très très bonne ambiance. Et là, on refait la queue un moment. Et on voit la meuf d'Orangina, la meuf qu'on voyait quasiment tous les jours et qui avait dit il y a une soirée et tout. On la voit. Et du coup, on lui fait attends, comment ça se passe? Ah oui, c'est non, on la voit au loin, mais on peut pas accéder à elle. Et on dit à un des vigiles, ouais, on la connaît, on la connaît. Allez lui dire qu'on est là, elle va nous faire rentrer. Le mec qui nous avait dit au début, vous êtes pas sur la liste. Ouais. On lui dit, allez la voir, dites-lui qu'on est là, on la connaît. Et donc on voit le mec qui marche vers la meuf. Il se retourne vers nous, il nous montre, il fait ouais. On n'entend pas ce qu'ils disent, mais on voit qu'il nous montre, qu'il dit ouais, il y a eux, là machin. Et là, on voit la meuf qui nous regarde et qui fait. Non, non, non. Elle fait non de la tête, elle se casse. Le mec revient, fait non, non. Et donc, on l'a vu, en fait, nous regarder et dire non, non, il rentre pas. Mais putain. Pourquoi ? Et donc, nous, on est genre, donc là, vraiment, qu'est-ce qui. C'est un traquenard, en fait. La meuf dit venez à notre soirée, ou à laquelle j'ai pas envie d'aller à la base. T'as pas pleuré, là ? Non, j'aurais j'ai pleuré. Pas, ouais, j'étais sobre. Et mais c'est un escape game, c'est genre. Oui, mais à inverse, pour rentrer dans un endroit dans lequel t'as pas envie d'aller, enfin, c'est vraiment fou. Et donc je reste encore, et on est en galère machin. Et je crois qu'au final, il y a Ludoc qui est arrivé et qui a dit attendez, je vais essayer de vous faire rentrer machin. Et donc finalement, il fait le tour de l'autre côté. Il y a un autre vigile, il négocie un truc, il fait ouais, ils sont avec moi machin. On rentre. Donc là, on fait « Ah, bah quand même, moi, à ce moment-là, je suis même pas content. » Tout le monde fait « Ah, putain !» Je fais « Ouais, super, génial. » Et je rentre, je vais au vestiaire, je donne mon manteau et tout. Je pousse la porte de la soirée et c'est l'enfer pour moi. Bah, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes par mètre carré. Mais vraiment, c'est bondé, musique à fond. Il y a genre des meufs à poil qui sont payées pour danser en décoration. C'est pour ça que c'était Orangina. C'était pas qu'elles étaient que à poil, c'est qu'elles étaient peintes en couleurs d'animaux. Donc il y avait une meuf à poil avec des rayures de zèbre, une meuf à poil avec des taches de girafe et t'es pas à l'aise. Et c'était vraiment. Et vraiment du monde partout. Tu peux même pas te déplacer. Donc danser, c'est même pas la peine d'y penser. Musique à fond, des meufs à poil en décoration. J'aimerais rajouter pas de coca. Pas de. Ouais. Parce que c'est Orangina. Ça, j'en sais rien, mon gars. Parce que moi, je suis rentré, j'ai fait. Ok. Et je suis reparti immédiatement. Je suis resté 7 secondes. Je suis reparti, j'ai pris mon manteau, je suis rentré chez moi. Les autres sont restés. Perdu 3 heures de ta vie. Et voilà. Et donc, c'était une bonne soirée de merde. voilà. C'était pas. Non, moi, je trouve que t'as la palme. Parce qu'il y a. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de quête. C'est un truc métaphysique. C'est qu'il n'y a pas de soirée, en fait. De la soirée qui va vers cette entrée, qui doit repartir. Voilà. Il y a eu de l'humiliation. Ouais. Mais... Bah, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est même pas cette anecdote. C'est après, quel questionnement tu as, en fait. Genre, vraiment, tu te dis, OK, j'ai fait tout ça pour ça. Genre, c'est horrible. Enfin, Moi, en gros, le truc, c'est que moi, c'était genre, ça m'a un peu conforté mes trucs. Bah, genre, ouais. Voilà, c'est putain de soirée, je sais pas pourquoi j'y vais, en fait, quoi, tu vois. Mais du coup, ça a un peu quand même affiné mon pressentiment quand on me dit, ouais, il y a une soirée, c'est à tel endroit, c'est organisé par machin et tout. Je fais, ouais, non, ça a l'air de la grosse merde comme. Monster Drink à Beaubourg, non, merci. Souvent organisé par une marque, c'est pas dingue. C'est pour ça que moi, j'étais pas allé à la soirée, pourtant, je crois que c'était des 3 ans de Golden, un truc comme ça, où ça avait l'air d'être. Ah, c'était au bain douche, c'est ça. On me dit, attends, c'est au bain douche, je fais, non. Ouais. Moi, j'y étais passé quand même. Ah, récemment, là. Ouais, mais moi, j'ai dansé avec Canis, d'ailleurs, je me souviens. C'était le lancement de Golden Network. Non, là, voilà. Mais la vraie question, c'est est-ce que, donc après, dans les bureaux, tu as recroisé Gwendoline de chez on l'a recroisé et je. Vous lui avez dit, t'as pas de race, sale pute. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable de regarder les gens dans les yeux et de faire genre non, mourez. Bah non, parce que vraiment, Orangina nous payait cher pour faire des pubs. Donc, Non, mais j'ai pas compris. J'ai dû faire 2-3 remarques sarcastiques du genre ah maintenant elle nous reconnaît ou un truc comme ça, mais j'ai pas vraiment. Non, mais c'est de base, vous étiez pas sur liste, hein, tout est lié à elle. Je pense qu'elle vous l'a proposé comme ça par politesse en se disant ils vont dire non. Non, ou alors en vrai, parce qu'on dit peut-être une des possibilités, c'est peut-être que la meuf a dit à genre 2-3 personnes de Golden non, mais venez ce soir, et que Golden a extrapolé, genre Golden Moustache est invité, venez quoi. Sauf que c'était peut-être pas clair que l'invitation était pour tout le monde et qu'ils ont voulu faire genre ouais mais hey, on vous régale et qu'on est arrivé en fait on n'était pas sur la liste, chose on, qui ce qui est possible hein. Voilà, mais philosophiquement c'est tellement beau d'attendre si longtemps pour un truc où tu arrives et tu sais que c'est tout ce que tu désires pas dans la vie. Ouais, c'est vrai, c'est mais tu t'es battu quand même pour te dire allez c'est peut-être tu moi l'as vu, et tu en l'as fait constaté. Là t'as fait vraiment bah non parce que ça on c'est l'a tous vécu en se disant par exemple la concrète c'est vraiment l'endroit que je peux pas y aller et vraiment moi j'y allais comme un con juste pour me dire mais c'est moi qui ai un problème et j'allais beaucoup plus loin parce que je me déglinguais la tête là-bas en me disant mais c'est pas bon, enfin ça va venir dans une heure ou deux je vais kiffer, ouais voilà je vais être en montée et en fait j'étais complètement en descente et il fallait vite que je parte après parce que c'était l'enfer. Et ah ouais. Mais je crois que c'est ça la vieillesse, c'est quand t'assumes que genre non non c'est moi qui kiffe pas et c'est cool, c'est pas grave. C'est... Bah moi j'ai eu ça très tôt moi, très très tôt. Ah, non c'est pas mon truc. Mais en fait juste une toute petite, je vais faire vite parce qu'elle est pas très intéressante cette anecdote, mais c'était quand j'étais en je sais pas en première un truc comme ça. Bon moi j'étais déjà pas très fan des soirées et un pote à moi, on était un peu deux vieux nerds de merde quoi. Et il me dit ouais j'ai une meuf avec qui j'étais en colo. Qui fait une soirée, ça te dit de venir avec moi et tout, et je fais ouais. Et lui, je pense que c'était un peu un appel au secours, genre j'ose pas y aller tout seul, donc je demande à mon pote. Il y aura des filles et j'ose pas. Et du coup, moi, je me suis dit ouais, enfin, tu vois, un peu le même truc que cette soirée-là d'avant, mais en première. Déjà, je me suis dit bah vas-y, essaye au moins, tu vois, d'aller faire. Tout le monde fait ça, donc peut-être essaye. L'homme et, qui avait 80 ans toute sa vie. Ouais, voilà. Et tout le monde le fait, tout le monde, comme dirait Ophélie Winter. Donc autant que tu le fasses aussi. Ouais, j'ai pas la ref. Merde, putain. Bon, mais non, parce que moi je suis plus, enfin je sais pas, je suis plus chanson française, un peu rock. Attends, tu veux dire non mais rock, genre un groupe de rock français? Ouais, un groupe. Bah, attends, mec, c'est incroyable. Tu vas être très surpris. Bonjour, c'est Jean-Louis Aubert. Oh putain. Et il est là, ouais, il est avec nous. C'est ouf. C'est comme ça qu'il arrive avec du rock, tu vois. Il représente le rock. Bonjour. Et alors déjà, mon pote me dit, mais à chaque fois, tu vois, il y a toujours un petit élément où je me suis dit, j'aurais dû dire non à ce moment-là. Et là, c'était juste quand il m'a dit, c'est à Maison-Alfort. Ah bah oui. Moi, j'habitais à Saint-Germain-en-Laye à l'époque, donc c'est en banlieue, mais c'est loin. Oui, c'est loin. On n'aime pas Maison-Alfort. C'est loin, c'est et puis c'est pas, ça fait pas rêver quoi. C'est sympa. Oui, enfin c'est. C'est une soirée maison, c'est ça? Bah mais, alors mais justement. C'est quand même un red flag. Ouais, mais non, mais parce que c'est loin. Et en fait, le truc c'est, je dis bah ouais, mais il me dit un truc du genre, mon père nous emmène. Et mais ma pote m'a dit, on peut dormir chez elle, tu vois, c'est cool. Et donc je fais bon, ok. Et moi aussi, je suis pas très forcément à l'aise avec les gens que je connais pas. Donc c'est aussi un effort de voilà d'aller chez quelqu'un que je connais pas quoi, du tout. Et en fait, on arrive et en fait vraiment dans une espèce de grand. Je pense qu'elle avait de l'argent cette fille. Et c'est une espèce de très grande salle, un grand hangar. Bah oui, elle avait sûrement de l'argent du coup. Un truc, enfin, je sais pas si un ça. Un truc faisait... pour les avions quoi. Je sais pas, enfin, un grand elle avait hangar. Trois avions. En vrai, c'est un petit hangar, mais enfin un truc voilà et. C'est vraiment une salle qui est dédiée à cette soirée, c'est pas enfin ouais, aux soirées, okay. C'est pas un salon quoi, de oui, d'accord. C'est pas chez des gens. Il y a beaucoup de monde et vraiment très très vraiment très vite, c'est vraiment je déteste quoi, je hais ce truc. Oui, et en première, tu peux pas te barrer quand tu veux. En bah, c'est ça le truc. Moi, c'était un peu c'était ça le saut dans le vide en fait. Et donc il y a genre un DJ qui passe ce genre. C'était fin 90, donc c'est ce genre de musique qui à l'époque a créé l'illusion. Et en fait très vite, quand les moyens de production de musique électronique se sont démocratisés, on s'est rendu compte ah mais c'était très facile à faire comme musique en fait. Tu vois, comme, tout, tous les gens qui ont GarageBand maintenant font ça. Ouais. Et en fait à l'époque tu faisais le truc From Paris to Berlin. Voilà, ouais, les gens sont. Ils passaient ce genre de musique insipide, mais comme il y avait un peu la nouveauté, tu ah non mais moi j'aime bien. Non tu n'aimes pas, arrête, tu fais semblant. Et bref, et du coup c'était dans ton grand hangar. Ouais. Et donc c'était pas bien quoi. La musique était en fait pas rythmée mais pas dansante. D'accord. Donc vraiment l'entre-deux nul quoi. Un peu lounge. Un peu ouais voilà, un peu nul voilà. Et on se fait très très vite chier avec mon pote et on peut pas rentrer chez nous. Et je lui dis bon bah vas-y, c'est quoi, on va se coucher, tant pis quoi, on va dormir, on part tôt demain et tout. Et il fait ouais je vais lui demander et tout. Et il va demander à sa pote et sa pote elle dit ouais mais par contre genre les gens qui dorment on est beaucoup, donc on va dormir là en fait dans cette pièce. Souvent c'est ça donc faut attendre que la soirée soit finie. Et donc vraiment on est resté les bras croisés comme deux cons à boire du Fanta quoi. Ah, et vraiment on a attendu, la soirée s'est finie genre vraiment vraiment enfin tard 5 heures quoi enfin ouais. Vraiment on s'est fait chier jusqu'à la fin. Oui parce que c'est pareil bloqué, tu peux pas prendre un RER ou quoi que ce soit. Rien, ouais. Rien du tout. Ouais. Et ensuite on a dormi et alors le truc je sais pas comment ça s'appelle, c'était un truc dans les années 90, moi j'avais ça chez moi aussi. C'est une espèce de fauteuil ou c'est une espèce de coupole en osier qui est posée sur un socle en osier aussi et ah, y a oui, une espèce de gros ouais. Voilà, ça n'existe plus chez les gens mais ouais. À l'époque c'était un truc. Oui, oui. On a dormi là-dedans à deux. Donc la meuf elle avait même pas de lit, elle avait du mobilier vraiment pas non, mais déjà à comme deux des bébés chats en fait en ouais boule. C'est ça ce que j'allais dire, à deux là-dedans tu c'est peux mieux. Faire le plus grand cabaret du monde derrière, c'est un truc de, tu rentres dans une boîte t'en sors c'est terrible. C'était, bah, c'était oui mais c'était enfin c'est petit hein, c'est oui, vraiment, c'est ça c'est ce que je te dis, le plus grand cabaret du monde c'est les magiciens quoi, qui s'enferment dans les contorsionnistes, voilà c'est ça, c'est ça. Et le sol était pas plus attirant au final? Non, le sol était vraiment très très dur parce que là il y a quand même un, on reste dans un hangar et avec une couverture pour deux un peu trop petite, enfin excellent. On a de toute façon, la couverture pour deux, elle n'est jamais à la bonne taille. Elle est toujours un tout petit peu trop petite. Et en plus, on sentait que la meuf, on la saoulait un peu. Genre, on disait ah, un peu froid et tout. Elle faisait ouais, c'est bon. Tu vois, genre, ah, ok, bon, bah, ouais. Impeccable. On a dormi genre une heure jusqu'à ce qu'il ce soit une heure décente pour appeler son père pour qu'il vienne nous chercher. Ensuite, je crois qu'on est allé manger des croissants dans un vieux PMU de merde en attendant son père et on est rentré. Et je pense que voilà, ça a été un peu le. Un élément, tu vois. Moi, j'en ai je fait... me suis dit, ah, les soirées, ça va pas être. Mais quand t'es au lycée, j'ai l'impression que c'est souvent. Hein. Moi, j'ai fait aucune soirée où il n'y a pas un moment où je me fais chier comme un rat mort. Moi, j'étais en Bourgogne en plus, donc là, pour le coup, il n'y a même pas, c'est même pas qu'il n'y a pas de RER, c'est qu'il n'y a aucun moyen de transport autre que tes parents qui ont une voiture, quoi. Et ouais, moi, j'ai fait un nouvel an comme ça où... Attends, juste, si tu pars sur une autre anecdote, je voulais te dire quand même que le point positif, c'est que maintenant, encore maintenant, à 37 ans, parce que là, j'avais 16 ans, je pense, c'est comme ça. Je goûte encore à fond ma liberté d'adulte. Ouais. C'est-à-dire d'aller à une soirée et de faire je me partir, casse. Ouais, et ouais, ça, c'est trop bien. Bah, je suis trop de content. Ouf. Voilà. Ouais, et encore maintenant, je suis. Quand je rentre chez moi, je suis genre. Et déjà, j'ai un chez moi déjà. Mais moi, c'est ça qui est trop bien, c'est que t'es content d'être rentré chez toi. Et tu oui. Alors qu'avant, c'est vraiment. Ah putain, c'est vraiment genre. Je me fais un rooibos. Ouais. C'est une infusion. Mais même ne pas aller à une soirée, c'est un kiff aussi. De se dire, putain, si je veux, je fais ça. Annuler au dernier moment. Mais si je veux, je peux rien faire. C'est trop bon. Non, mais c'est ça. Et moi, mais même ça me motive. Moi, c'est ce qui m'a même motivé à vivre dans Paris. C'était de me dire, ah, bah, c'est chiant d'être obligé de rester chez des gens. Je préfère vraiment payer 3 fois plus de loyer et pouvoir partir quand je veux. Mais ça vous pose. Je juste une petite question comme ça. Mais moi, c'est un truc qui me pose des problèmes quotidiennement, amicalement. Oh, tu fais chier, tu sors jamais. Ouais. Et moi, j'ai des gens qui ne sont pas vraiment habitués au fait que je suis un petit chat d'intérieur. Ouais. Et je les froisse constamment parce qu'en plus, si tu n'as pas des potes qui ont les mêmes genres de boulot que toi, ouais. Qui ont un truc genre, bah, putain, faut kiffer le week-end. Non, mais genre, faut kiffer le week-end. Et toi, tu dis, ouais, mais moi, là, c'est le contraire. En fait, j'étais tard le soir pour d'autres trucs obligatoires. Ouais. Donc j'aime dormir, vraiment ouais. beaucoup être en boule dans mon canapé. Ouais. Et moi, le problème, c'est que peut-être au contraire d'Adrien, ou peut-être toi, tu as ça, c'est que moi, genre, une ou deux fois par an, je fais une soirée de dingue avec des potes et c'est hyper rigolo. Et donc, j'entretiens l'illusion que genre, mais si, t'aimes bien faire la teuf. Ouais. Oui, mais souviens-toi. Alors, non, mais voilà, moi, c'est ça. Bah, et donc, moi, en fait, je dis non tout le temps, quoi. Oui, toi, t'es quand même considéré comme un excellent danseur. Ça vient quand même pas du trou du cul d'un âne. Mais du coup, t'as pas l'impression de constamment, je sais pas, faire chier tes potes. Non, mais moi, c'est même pire. Je pense que les gens savent maintenant. Mais moi, c'est pire, par contre, et je crois que t'as ça aussi un peu derrière, c'est que même si moi j'aime, non je crois que t'as pas ça en fait, je suis en train de me faire un film, mais moi c'est que même si j'aime pas trop faire des grosses teufs des soirées, je peux quand même me vexer qu'on m'invite pas. Ah, je peux vraiment génial, même... hyper bien. Moi je peux dire genre j'ai un peu, ouais c'est... tu j'avais envie non, de dire ça dépend, non ça dépend. Non mais tu vois, en plus en fait le problème c'est que moi, c'est pas chose, uniquement de ma faute, c'est un peu de ma faute parce que je suis un peu, parce que des fois j'ai envie qu'on m'invite alors que j'ai quand même pas envie de venir, enfin je suis vraiment j'ai un problème d'ego et de vexation. Mais ce qui me vexe c'est que les gens partent du principe que parce que j'aime pas les gros stuff, j'aime pas sortir. Alors que moi, ouais. tu me proposes de boire des. Et les gens, en plus, vu que je bois pas, ils sont dans un délire de. Bah non, mais t'es dans une brasserie, on a causé jusqu'à 2h du mat, on était bourrés. Moi, je peux aimer, en fait. Juste, ouais. je viens, on ouais. discute, on se marre, c'est cool. Et je pars quand je pars, quoi. Ouais. Mais n'hésitez pas à inviter, quoi. Et voilà. Et, mais ouais. les gens mais partent du principe que c'est non. C'est comme si on n'invitait plus les alcooliques à déjeuner, quoi. Bah, il n'y avait pas d'alcool, on s'est dit que tu voulais pas, quoi. Non, mais moi, j'ai un degré encore au-dessus de ça. C'est que très souvent. Genre, je vois sur Facebook ou sur Instagram des photos, des vidéos de soirées où il y a plein de potes à moi et je fais bah génial, on m'invite pas. Et en fait, je fais bah si, je t'ai invité. En fait, j'ai juste comme naturellement, dès qu'il y a une invitation à une soirée, je zappe. Après, je fais putain, génial, c'était quoi cette soirée? Je vais dans les événements Facebook, je fais ah ouais, je t'ai invité. En fait, j'ai juste dit non. Et en fait, voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore une anecdote à nous raconter? Un truc? Alors, moi, je me. Mais en fait, il y a un truc, c'était. Peut-être que toi, tu connais. Il faut que tu parles près du micro, ouais. Je suis désolé. Pardon, excuse-moi. En fait, j'en ai une que je vais résumer rapidement. Mais c'est celle du en fait, on en a parlé tout à l'heure, donc ça m'a fait rappeler qu'il y avait cette soirée. Effectivement, cette soirée était bien pourrie. C'est Golden Network. Donc, en fait, c'est la soirée qu'Adrien a évité. Ouais. Voilà. En fait, voilà. Une soirée que Adrien a évité. En fait, c'était une grosse soirée de lancement pour un groupe. D'M6, Golden Moustache. Fusion, voilà. Golden Moustache, machin. Et du coup, voilà. Donc, je voulais y aller. Adrien, visiblement non. Mais Flo est passé et parti au bon moment. Exactement. J'ai parti avant. On s'est vu, ouais. Où je t'ai fait une blague très très nulle, où je t'ai appelé Flo Beurette. Quand je suis arrivé, t'étais un peu chaud, toi, déjà. Ouais. Et du coup, tu t'appelles comme ça sur mon portable. Mais, en tout cas, je me souviens de cette soirée parce que en fait, bon, déjà, c'était une soirée, il y avait de l'alcool, donc déjà, il y avait ce truc de base là. Mais en fait, surtout, j'étais venu avec une fille que j'aimais bien. Mmh. Et pas juste une meuf que tu veux ken, une meuf que t'aimais vraiment bien. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un. C'est peut-être. Pas une meuf qui organisait une soirée en même temps chez elle et il y avait des gens qui attendaient devant. Voilà. Et pas du tout le même. Il y avait un peu de ça dans cette histoire. Il y a toujours un peu de ça. C'est parti en chaotique. De manière instantanée après, mais en fait le truc, donc j'y vais avec cette fille que j'ai invitée, c'est mon plus un, tout ça, donc on y va et tout, on fait la queue, machin, tout se passe bien. En plus, la soirée, en fait, il y a du monde, mais c'est plutôt cool parce que en fait c'est open bar, ce qui est plutôt pratique au niveau de pécuniaire. Oui. Voilà. Surtout quand il y a du champagne un peu low cost mais qui reste du champagne. Mais voilà, et du coup, la soirée se passe et tout. En plus, je vois beaucoup de mes amis, notamment toi, Flo. Merci. Notamment toi, Anis, tout le groupe dans lequel... Malheureusement, en fait, pas Adrien, mais bon. C'était un choix, en fait. Voilà. Il n'a pas à se vexer, en fait. Je suis pas vexé. Voilà. Et donc ça se passe bien et tout. Et en fait, je fais la connaissance. Et là, je veux bien qu'ils reprennent le lead parce que souvent, nos soirées sont un peu connectées. Cette meuf-là... on dit les blazes. Ouais. Mais bon, vas-y, dis-moi. Mais en vrai, je pense, pour toi, tu devrais pas dire les blazes. Voilà. Ouais. Là, si tu veux, on les dit. Il est non, on bipera, on bipera. Non, mais en fait, voilà. Je fais connaissance de la pote d'Anis. Qui est une fille plutôt cool, etc. Mais qui n'est pas que ma pote, hein, qui est connue, qui bosse aussi. Ah d'accord, ouais, okay, voilà. Ça ne dit pas, donc c'est sûr. Là, il crée des problèmes gratos. J'empêche de censurer, j'ai des pièges partout. Et c'est ça. Non, vas-y, bref. Et donc, en fait, on s'entend bien, etc. Mais voilà. Donc après, elle se barre, je me barre de mon côté, je suis avec ma pote, du coup. Enfin, ma pote. Du coup, la personne que tu espères séduire. Exactement. Exactement. Voilà. La soirée se passe et tout. On commence à devenir bourré. Moi, je tente rien parce qu'en fait, quand je suis assez timide en fait avec cette personne-là. Et en fait, le problème, c'est qu'on recroise du coup Anis et sa clique, ainsi que la meuf. Anis et sa clique, qui est d'ailleurs ton groupe de jazz. Jazz manouche. Anis et sa clique. Et du coup, il y a sa pote du coup qui est encore là. Donc, on discute et tout. Et en fait, le truc, c'est qu'elle est bourrée, je le suis aussi, mais elle m'aime bien apparemment. D'accord. Donc elle me fait un peu des avances, tu vois. Ouais. Sauf que je suis avec... Celle que t'aimerais séduire. Voilà. Et je lui fais, non, meuf, c'est... Pas là, quoi. C'est vraiment pas là, quoi. Ouais. On s'entend bien, mais vraiment, je suis sur autre chose. Vraiment, c'est bien plus important pour WAM, tu vois. D'accord. Et le truc, c'est que elle fait ah ouais, ok, machin et tout. Donc on continue à danser, on commence à être extrêmement bourré parce que il y a vraiment tout gratuit. Donc, vraiment, il y a plus de gestion, quoi. Et le truc, c'est que au bout d'un moment, il y a la pote d'Anis qui vient voir directement ma. Oula. Hyper ouais. Bien. Elle négocie avec le propriétaire en fait, directement. C'est ça, en fait, elle a vu que. Ça, je veux bien que tu reprennes parce que c'est toi qui l'as vu. Et comme, vu que c'est un vrai pote, il est venu me voir directement. Il a fait mec. En fait, elle a vu qu'il avait des yeux sur cette fille. Et du coup, un peu de manière connasse, hein, mais bon, ça, on va juger, c'est elle était bourrée et tout. Elle est allée court-circuiter le truc, quoi. Elle est allée voir la meuf. Je trouve ça brillant. En gros, elle est, mais d'une manière diplomate, en disant En fait, il te veut toi. Donc déjà, elle dit tout. Il te veut de ouf et tout. Mais moi, je respecte. Je le voulais. Nanana. Le truc genre... La meuf s'intègre. Alors que je l'avais jamais rencontré. Mais elle fait vraiment... Ouais, ils sont jamais ça vus. Fait 6 mois. Je suis dessus. Et mais tout. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a donné... Elle s'est donné le bon rôle. Parce qu'elle est en mode... Moi, je respecte votre truc. Mais sauf qu'elle a tout balancé. Ah ouais, en plus. Ouais. Ah ouais, horrible. Est-ce que je comprends pas, c'est pourquoi toi, t'étais pas collé tout le long à cette fille que tu voulais... Parce que je ne suis pas un colleur, j'essaye de... Mais alors, elle connaissait personne d'autre à cette soirée, c'était toi. Alors petite nuance. Ouais, la fin est incroyable. Il y a un carré, un triangle. Ouais. Non, il y a un twist inattendu dans cette histoire. Les deux filles se rendent compte qu'il y a une chimie de dingue. C'est beaucoup plus surprenant que ça. En fait, le truc, c'est que... Jean-Louis Aubert En fait, non, mais le truc, c'est que... Il y avait quand même une pote de la meuf. Ouais, celle que tu convoites. Parce que justement, elle avait il peur. Il faudra que tu donnes des prénoms aux deux meufs, même des faux prénoms. Ok, donc c'est. Je balance tout. Attends, qui est. Il t'a demandé des faux prénoms. Ouais. Ah, d'accord. Tu dis le vrai. Ouais. Non, mais dis des faux. En termes d'impro, t'es excellent. J'ai fait ça. Une couleur, mais pas bleu. On va dire Juliette, comme voilà. Roméo et Juliette. Donc, et l'autre, c'est Jafar. Voilà. Juliette et Jafar. Ah, c'est bien ça. Julie et Satan. Voilà, okay. Voilà tout simplement. Je préfère les miens. Mais... Julie et Satan, vas-y, go. Donc, Julie, c'est la personne que je convoite. Ouais, Satan, ouais. C'est Satan. Ça s'est établi. Là, c'est voilà. Bon. Là. Et en fait, Julie avait une copine à elle qui s'appelait. On s'en fout. Marion. C'est le mec qui kiffe maintenant. Serge. C'est ça. Et en fait, elles restaient ensemble et justement, ça faisait partie du deal, c'est qu'elle puisse ramener une copine à elle. Du coup, j'ai trouvé des tricks. Ouais, bon, oui. En fait, c'est ta fille, c'est pas ta meuf. Hein c'est ta fille. Bon, tu viens, Jérémy, mais tu peux amener une copine. Oui. C'est un deal. C'est ça, ça s'appelle la friendzone, ce deal. Bah, oui, c'est exactement ça. Si vous connaissez pas ce deal. Elle a pris ma place, elle a pris ma place. Voilà, terminé. Et du coup, bref, elle va voir ma enfin, elle va voir. Satan va voir Julie. Voilà, c'est ça. Un court-circuit. Ouais, du coup, toi, tu vas me voir. Ouais, t'as la suite ou pas? Non, j'étais cuit et tu me dis. Après, moi, je lui ai dit, ouais, je suis allé le voir aux toilettes. J'ai dit, bah, c'est chaud, tu vois. Elle te kiffe. Déjà, il savait même pas, il s'en foutait de sa vie, la pauvre. Satan, elle te kiffe, nanana. Elle te veut, elle est prête à tout, elle va voir les gens direct. Et lui, il disait, ah bon, mais moi, je m'en fous d'elle et tout. C'est l'autre que je veux, trop mignon, tu vois. Oh. Et c'était trop tard, le truc était déjà consommé. Je sais pas où tu veux que j'aille, mais si tu veux, je continue. Après, du coup, toi, t'étais triste. L'autre a été plus là pour s'amuser. Non, mais l'autre, on a foutu des prénoms. Juliette était là pour s'éclater et elle était contente. Elle s'en fout. Elle a entendu ce que lui a dit Satan, mais bon, elle s'est dit bon. Alors, attends, moi, j'ai alors, juste elle un était truc, en mode, c'est... pardon, juste ouais. Pas que j'oublie ça, elle était en mode, mais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Tom, c'est mon pote et tout, on se connaît super bien. Elle lui a dit ça, c'est ça que j'ai oublié. Ce qui est important. C'est tout ça, je lui ai dit. Et là, il était en bad et du coup, j'étais rabattu sur une autre gonzesse. Mais voilà, ça n'est pas obligé de rentrer. Qui n'était pas Satan. Bah, non, mais justement, j'allais partir là-dessus. Ah oui, ça, je m'en fous. Justement, je trouve ça assez drôle, en fait. Comme une troisième meuf qui n'est donc ni Satan, ni Juliette. On l'appelle le troisième homme. Voilà, c'est non, mais... Zidane. Non, mais du coup, en fait, moi, je suis tout con devant Julie. Et je ne sais plus quoi lui dire. Et vraiment, je panique. Et vraiment, bah, je la laisse seule. Et je pensais qu'elle était avec sa copine. Donc je me dis, bah, au moins, elle est chill, elle danse avec sa copine et tout, pas de soucis. Donc en fait, non. Moi, j'ai appris que sa copine était déjà partie, donc elle était toute seule. Ah, elle était toute seule. Ouais. Okay. Mais ça, je l'ai vraiment appris après. Ça, okay. J'arrive sur cette suite-là, la suite de Julie. Raconte ce que t'as fait. Ouais, ouais. Oui. Avec, avec Zidane, avec le troisième homme. Avec le troisième homme. Du coup, je dis, oh là là, je vais pas bien, je suis tourmenté, je vais fumer une clope dans le fumoir. Tu vois, donc je remonte là-haut parce que c'était en deux étages. Je remonte là-haut, tu vois, je monte et tout. Et là, il y a quelqu'un qui m'attrape la main comme ça et qui me fait Tom. Et je fais Zidane. Zidane. Alors moi, je fais non, vraiment, je fais bah ouais, genre t'es qui, tu vois. Elle me fait tu me reconnais pas, et je fais bah non. Alors là, la meuf m'explique, en fait, je suis un match Tinder à qui tu n'as jamais répondu. Ça tombe bien. La chance. Il a matché Zidane, le mec. Et là, du coup, c'est incroyable, vraiment, et tout est authentique, vraiment. Je ne mens pas sur ce qui se passe après, parce que c'est assez hallucinant. Et en fait, le truc, c'est que je fais « Ah, d'accord, bah, je suis un peu gêné, mais en même temps, je m'en fous, je suis bourré, tu vois. » Du coup, je lui dis, ah bah ok, bah viens, moi je vais fumer une clope, viens, on fait connaissance et tout. Donc en fait, on va au fumoir. Elle commence à me raconter sa vie, qu'est-ce qu'elle fout là, etc. Donc elle me fait, bon voilà, en fait, je t'explique. Moi là, je suis en date Tinder à ce moment-là. Avec, avec un autre gars. Avec un autre on va peut-être lui trouver un nom. Ouais. Je propose Marc-Olivier Fogiel. Ouais, le seul truc, c'est qu'en fait, nous deux, on était extrêmement bourrés. Et en fait, on s'est assis dans le fumoir, on s'est pécho. Elle me dit ça après. Yes. D'accord. Nickel. Du coup, ah d'accord, bah très bien et tout. Est-ce que Marc-Olivier Fogiel a trouvé Julie? Mais il nous a vu en fait. Oh. Attends. Non, Zidane. Wow. Mais il est avec Zidane, ouais. Marc-Olivier Fogiel. Ouais. Et là, il est tout seul pendant ce temps-là. Mais oui, mais c'est ce que je dis. Est-ce qu'entre temps, Marc-Olivier Fogiel aurait trouvé Julie? Non. Il est encore plus triste. Il est tout seul. Il attend que le mec finisse avec son date Tinder. Non. Et du coup, je suis avec ce date Tinder et on discute et on se pécho. Elle me dit qu'elle est en date Tinder. Tu veux que j'accélère? J'ai la suite. J'ai toute la suite. Moi, je ne l'ai plus, en fait. Okay, allez. Ok, on va plus vite. Bref, il est avec cette meuf. Il continue à se rouler des pelles avec Zidane, à rouler des pelles à Zidane. Sauf que le mec revient et en mode, mais qu'est-ce qui se passe là? Enfin, comment l'appeler? Marc-Olivier Fogiel, il dit, mais c'est quoi ce délire? Et après, elle est en mode, non, mais vas-y, c'est bon, t'es relou un peu. Bah non, il est pas relou, il est juste en date avec En vrai, c'est logique. Et du coup, lui, il est complètement fait, triste de Julie, de Juliette, je ne sais plus comment elle s'appelle. Julie. Ensuite, tu prends un Uber avec Non, mais mec, ce que tu sais pas, c'est que je suis pas sûr, mais je crois bien que Julie, en fait, vu qu'elle était toute seule, elle était remontée pour qu'on reste classique. Ensemble. La rose et en fait, elle nous a vu en train de se pécho. Ah, en fait. Ok, impeccable. Et ça. Ensuite, après, il se barre avec cette meuf dans sa Zidane. Loose avec ouais, Zidane. Je me barre elle se barre avec Zidane, Zidane et tout. Et le mec ne lâche pas, il continue d'appeler la meuf ouais, Marc-Olivier Fogiel. Ouais. Ouais. En mode, mais oh, et elle lui dit, c'est bon, toi, ça va, ok. Hein et ne t'avise pas de revenir à Marseille de sitôt. Il se barre avec cette meuf. Et là, le twist de ouf qu'il n'a pas dit depuis le début, c'est qu'en fait, Satan. Moi, je l'aimais bien un peu, tu vois. Ouais, je savais qu'il y avait moyen, mais j'allais rien tenter parce que, de base, je suis en couple. C'est un des bons éléments. C'est pour ouais. le carré, donc voilà. Vous voyez bien le carré. J'aimais un peu Satan, mais voilà. Donc, j'apprends que Satan aime bien mon pote. Bon, comme je ne la voulais pas, bah, tant mieux. Mais mon pote veut une autre meuf. Okay. Ouais. Et cette meuf qu'il voulait, qui était Julie, ben... Bah, j'apprends plus tard dans la soirée qu'elle me voulait moi. Oh, non. Donc c'était monstre. Le carré. Ouais. Le carré. Oh, mais, quand même, j'ai envie de raconter des détails sur la suite après le Uber. Du coup. Elle est rentrée chez Zidane, ouais. Non, elle est rentrée chez moi. Ah d'accord. Zidane est rentrée chez lui. Ouais. En fait, le truc c'est que déjà dans le Uber, le mec Marc-Olivier Fogiel lui envoyait des messages, de l'appeler et l'insulter de tous les noms. Moi, il me fait tiep, lui. Franchement, vraiment, s'il a une page Facebook, j'ai envie de mettre like là. Parce mais vraiment, il a dit. Et vraiment, c'était très marrant parce que je l'ai rencontré. Du coup, Marc-Olivier Fogiel, il a vraiment surtout écrit. Que, attends, oui, alors, attends, j'ai juste moi une question, pardon. Mais du coup, c'était une soirée. Oui, voilà, c'est Network. Ce que j'allais dire. Le mec, il le connaît. On le connaît. Enfin, en tout cas, c'est non, lui. Non, si, c'est lui qui a ramené la meuf. La c'est meuf lui qui a ramené. Ouais, donc, c'est ça. Lui est dans la sphère. Ouais, d'accord, ok. Une petite pensée. Moi, j'ai dit que je t'aimais. Je sais pas s'il écoute. D'ailleurs, je passe une petite pensée aussi pour Carlito parce que c'est la première personne le matin que j'ai appelé parce que c'était hallucinant ce qui s'est passé parce que en fait ça devient un peu sale après. D'accord. Ouais. C'est la partie non, là, clean là. Là c'est l'intro là. C'est d'accord. La partie familiale. Non, mais en fait cette fille qui était ce que j'ai oublié de dire. Zidane. Oui pardon. Zidane en fait était très gentille mais manquait un peu de tact et un peu de finesse. Visiblement ouais. Ah, on peut dire ça ouais. Non mais parce que ça aurait pu être moi et d'ailleurs c'était moi aussi. Oui non mais de dire. C'est juste qu'il s'est passé des trucs après voilà. Non mais de dire à son date Tinder ouais vas-y casse-toi. Oui, ça c'est bah ouais, un petit manque de tact au minimum. Hein. Surtout elle a cassé des trucs chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais c'est un peu dégueu, mais vas-y. J'y vais. Au pire, j'enlèverai mon tâche. Ah, voilà, ah merde, elle a chié dans le salon directement. Zidane a directement chié. Ouais, non, bref, dans le Uber, machin, pas de galère. On y va, on va jusqu'à chez moi. Elle se marre du fail. Elle n'a pas d'âme. Parce qu'en fait, elle me dit vraiment, quand j'ai matché sur toi, je comprends pas pourquoi tu m'as pas répondu et tout. Bah, je suis pas bon non plus, bref. Et donc, on va chez moi et tout. Là, je me rends compte que je retrouve après, mais que j'ai pas de capote. Je vais, ah, c'est chaud et tout. Ah, c'est pas grave et tout. Donc, on fait ça dans le noir, machin. On est sous, machin. C'est anecdotique, mais voilà, ça fonctionne. Ouais. Il a dit ça comme si faire ça dans le noir, ça remplaçait une capote, tu vois. Mais on a fait ça dans le noir, donc voilà. Ça Non, j'ai retrouvé une capote. En fait, j'en ai pris une à mon coloc, mais voilà. Et le truc, c'est que... Qui était en train de se faire l'intégrale des Inconnus. Ouais, c'est ça. Exactement. Putain, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais le truc, c'est que après, le matin, quand je me suis réveillé, c'était un peu Shining, quoi. Il y avait du sang à peu près partout. Ah, en plus. Ah. Tan, tan, tan. Et je fais, bah, c'est dégueulasse, c'est tout. Et genre, en fait, je vois la meuf en train de se réveiller, en train de se... D'essuyer de, ses mains. D'essuyer ses mains sur mes draps. Elle me fait, ah bah, tu laveras au lavage. Hein. Enfin, tu laveras... Tu mettras ça en machine. Tu mettras ça en machine et tout. Et tu sais, j'étais choqué de ouf. J'étais, mais... Non, enfin, c'est bizarre, enfin... Je sais pas, t'aurais pu me prévenir ou quoi. Et j'avais du sang partout. Putain, mais vous étiez vraiment ivre. Ouais. Et j'ai, la première chose que j'ai fait, c'est la faire partir, mais c'était dur. Du coup, j'ai mis des vidéos YouTube de Golden Moustache pour la faire fuir, vraiment. Et, non, c'est vrai. En il y a un de sketch ou pas? C'est juste pour savoir. Je sais plus, mais en tout cas, c'était pas fameux. C'est un oui. Non, mais bah, c'est en fait, si ça aide. Nous, on fait ça pour ça à la base. Hein. Non, ouais, c'est ça. Et la première chose que j'ai faite, c'est prendre une photo et de l'envoyer à Carlito. Donc, je passe un bonjour. De tes ongles. Ah, ouais. De mes ongles. Ah, bien sûr. Et tu me l'as envoyé aussi. Ah, oui, c'est vrai. Putain, mais c'est ouf après... de pas mettre de capote et en plus de dire, bon, essayons de se frotter du sang partout. Peut-être qu'on peut se passer d'autres maladies. Bah, oui, enfin, c'est un truc de dingue. Non, on en a mis. Mais c'est juste que, en fait, elle je pense qu'elle avait ses règles, tu vois. Et... Ah bah j'espère, sinon oui, ça, elle est morte dans l'escalier, quoi. Sinon c'est lui, pris une balle. C'est, ouais. Mais c'est juste en fait la réaction hyper normale de se dire, oh bah ouais, tu laveras ça, oui, parce que tu vois, c'est pas très chic, quoi. Tu dis, elle aurait pu prévenir. Moi, j'ai une amie à qui c'est, elle a été la meuf à qui c'est arrivé. Elle s'est vraiment pas rendue compte, quoi. Elle s'est réveillée pareil le lendemain et il y avait du sang partout. Elle était mortifiée. En revanche, s'essuyer les mains, genre, oh bah tu laveras. C'est ce que j'allais dire. C'était pour le côté, elle aurait pu prévenir. En vrai, ça peut arriver. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, s'essuyer, genre, casual. Genre, bah, tu vas laver ça, pauvre con. Ouais, va te laver les mains. Moi, je pense les mains. Que depuis le début, cette femme a conscience de toutes ses failles et les maquille par la surenchère. Je suis une merde avec cette date Tinder, on va en rire dans le taxi. Enfin, il y a un truc dans la cruauté, la désillusion. Le twist, c'est que c'est elle, Satan. C'est ça. Putain, c'est beau, c'est Zidane. Zidane, c'est Satan. Oh, putain, ah, j'aime pas la fin, dommage. Et t'as jamais reparlé à Zidane, du coup? Bah non. Très, très belle histoire. Et en plus, je sais que t'es allé vite parce que je sais qu'aussi dans le Uber, il y a eu une baston. Tu m'avais raconté. C'était pas celle-là? Non, ça, c'est une autre histoire. C'est une plus dégueu. Oui, c'est bon. Là, il y a de la drogue. On fera un autre podcast à ce sujet. Bon, écoutez les amis, ça fait déjà longtemps qu'on parle. On va faire vite fait un petit tour des questions parce que voilà, il y a un Curious Cat qui est ouvert. J'ai où jamais les gens... compris ce que c'était un Curious Cat. Alors, un Curious Cat, c'est très simple. C'est un site qui permet aux gens de poser des questions anonymement, ce qui fait que les gens se lâchent un peu plus aussi. Okay. Voilà. Ouais. Parce que sinon, c'est difficile l'anonymat sur Internet. C'est ça. Bon, du coup, c'est aussi l'endroit où on se fait beaucoup insulter, surtout sur le fait que je fais pas assez d'émissions et qu'en plus, j'oublie d'allumer les micros. Donc, les gens savaient que vous veniez. Voici les quelques questions. Alors, j'ai une question pour Marina. Bonjour. Comment être suisse? Alors, je n'ai pas compris la question, mais peut-être que quand on est suisse, on la comprend. Il y a là-dessus. Une syntaxe, il y a un truc. Ouais. Non, ça cite des gens que je ne connais pas. Okay. Comment être suisse et humoriste sans devenir Marie-Thérèse Porchet? Oui. J'ai l'impression que pour être humoriste ensuite, il est obligatoire de faire des blagues sur Christian Constantin et je trouve ça dommage. Alors, Marie-Thérèse Porchet, donc en réalité, c'est Joseph Gorgoni. C'est à la base un danseur très chouette qui a commencé un spectacle à faire un personnage qui était une espèce de rombière un peu bourgeoise et tout, donc se déguiser en nana. C'est pas elle qui faisait La Truie est en moi, c'était... Exactement. Ouais. C'est l'équivalent des Vamps en France un peu, ouais, peut-être. Ou de Catherine et Liliane. Ouais. Voilà. Mais en toute seule, quoi. D'accord. Mais alors, par contre, putain, j'apprends que c'était un mec. Ouais. Je pensais que c'était une meuf. Vous savez que les Vamps, c'était des meufs en plus, oui. Catherine et Liliane. Non, mais là... C'est quelqu'un qui ressemble vraiment... C'est pas caricatural. Gorgoni, hyper cool. Ouais, mec, chauve, danseur, hyper élégant dans la vie. Moi, je pensais que c'était une femme qui... Mais qui joue vraiment une espèce de bourgeoise qui parle comme ça. Ouais. Et voilà, Marie-Thérèse Porchet, en fait, contrairement à ce que les gens pensent, c'est hyper intelligent, c'est vachement bien écrit, et je le dis pas parce qu'on a le même agent. Et donc, t'es pas obligé de faire ça. Mais effectivement, ça fait partie des gros trucs mainstream, mais c'est comme de dire... Ouais. En France, est-ce qu'on peut faire de l'humour si on n'est pas Jean-Marie Bigard? Ouais. Puis ensuite, les blagues sur Christian Constantin, en gros, c'est un figure politico-fame. En gros, c'est un... En ce moment, c'est un patron de club de foot. un peu l'équivalent de faire des blagues sur tapis. C'est un personnage hyper d'accord. Oui, d'accord, ok. Mais oui, alors effectivement, comme la Suisse, les médias, c'est beaucoup des médias publics. Le public est un peu vieux, les places de théâtre sont un peu chères. T'as tendance à t'adresser à un public un peu plus vieux. Ouais. On n'a pas la même culture qu'ici, que genre tu peux aller dans un bar, ça coûte 0,0 pas d'euros et tu peux aller voir des gens marrants. Et donc, si t'as 16 ans, tu te reconnais. Chez nous, c'est vrai que tu fais un truc un peu plus... un peu plus vieux, peut-être un peu plus bourgeois et tout, mais je pense que c'est en train d'arriver, que ça se démocratise ouais, gentiment. Et puis le fait qu'on puisse venir bosser en France, c'est aussi pour ça. Moi, j'en ai vu beaucoup, parce que public un peu plus jeune, quoi. Oui, c'est vrai qu'en Suisse, qui tourne beaucoup, et pas qu'en France d'ailleurs, parce qu'en fait, en plus, nous on parle de la France parce que c'est une culture qu'on connaît, mais le podcast est aussi écouté en Belgique, en Suisse, tout ça. Il y a Thomas Wiesel aussi, qui tourne beaucoup, et j'ai vu un gars. Il y a Charles Nouveau. Charles Nouveau, très très drôle lui. Moi je l'ai croisé à une soirée stand-up, il m'a fait beaucoup rire. Oui, et il y a aussi. Alexandre Kominek, formidable, qu'on aime beaucoup. Et ton autre comparse de. Blaise Bertinger, or qu'on aime d'amour. Blaise, c'est très drôle si vous voulez taper Blaise Bertinger. Sur du YouTube ou du Google. Vous regardez tout il ça. Est fort rigolo. En fait, on avait tous un truc vidéo à la base qui s'appelait Carac. Carac, bien sûr. Et après, ça, les players ont un peu tourné. Il y a Johan Provenzano aussi qui est super. Il y a plein de gens très très drôles en Suisse. Dans la mesure où on n'est que 2 millions, franchement, on produit pas mal de gens. Mais ça continue encore Carac Attack. Oui, mais ça a changé je vois, Je vois que c'est un truc qui. Comment vous continuez à tomber dessus? Parce que c'est vraiment des vidéos qui ont 20 millions. Moi, j'ai vu Noman partager ça. Noman Osni. Noman vient de devenir effectivement le directeur artistique cette saison. Mais qui est suisse aussi d'ailleurs. Enfin, qui vivait en Suisse en tout cas. Oui, absolument. Mais Tunisien et Irakien, cet homme est partout finalement. Noman est partout. Et franchement, en fait, la génération bouge un peu. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte, mais il y a vraiment une chance en France d'avoir une culture de le théâtre, c'est pas fait pour les yeux et c'est pas forcément hyper cher. Ouais. Et de dire, t'as 18 ans, tu peux aller voir des gens drôles, alors peut-être plus dans les grandes villes. Et t'as moins de 26 ans, t'as des tarifs réduits. Ouais, c'est con, mais c'est un truc qu'il faut y penser. Hein. Complètement le deal. Tu parles pas des mêmes choses, t'es pas obligé de plaire à tout le monde. Le fait que vous n'ayez pas que des chaînes qui doivent faire du 7 à 60 ans, 17 ans, c'est cool aussi. Ouais. Non, vraiment, c'est luxueux de faire ça en France. J'ai une question pour Anis. On me dit, Anis, il me semble que tu as participé au court-métrage Vers la tendresse. Ah ouais. Malheureusement, je n'ai pas encore réussi à le voir. Introuvable en streaming, au lieu de dire l'acheter, introuvable en téléchargement illégal. Est-ce que non, du coup, tu peux nous plus. Parler un peu de ce projet. Est-ce que tu y as fait? Oui, tu peux expliquer ce qu'est Vers la tendresse. Streaming, ça ne veut pas forcément dire illégal. Oui, pardon, excuse-moi. Pardon. Oui, c'est un court-métrage. C'était un moyen-métrage, même, il faut le dire, parce que t'attends à ce que. Parce que je crois qu'il dure 35-36 minutes. Je sais plus c'est à partir de combien que c'est un moyen-métrage, mais bref. 34, donc vous êtes juste. Pas de bol. Et déjà, ce qui est ouf, et je suis content d'en parler, c'est que ce film a eu un César. Bah oui, c'est ça. Donc, félicitations. Ouais. Mais j'ai vraiment un petit. Enfin, c'est même pas question de petit rôle ou quoi. Non, en vrai, si, c'est vrai, c'est plus c'est trois portraits de jeunes. Et je suis l'un des portraits, tu vois. C'est... Ça veut dire que c'est 30% d'un truc, tu vois, c'est pas mal, quoi. C'est un peu comme Hugh Grant dans Love Actually, ou le vote national. Bon. Et du coup, oui, c'est un... j'ai un peu dit, c'est trois portraits de jeunes de banlieue. Et ce que j'aime bien, c'est que l'axe, c'est de parler de l'amour, mais vu par les hommes. Et déjà, au-delà de la banlieue, c'est un thème qui me parle de ouf, quoi. J'aime vraiment beaucoup ce thème. Et du coup, en fait, on nous a interviewés en 2013, je crois, ou 2014. Et sur ces voix, on a dû jouer des scènes. Donc, c'est assez original. C'est mythique. Enfin, la base n'est pas fictionnée parce que c'est des interviews. C'est ça, c'est des vraies interviews. Et après, il y a du jeu. C'est ça. Et en plus, il y en a qui n'ont pas voulu jouer leur rôle, etc. Je balance. Mais bon. Ah, donc c'est d'autres comédiens qui jouent. C'est ça. Et moi j'ai tout assumé. J'assume tout. Allez, t'as pleuré, mon gars. Mais ce qui est marrant, c'est quand j'ai vu le film pour la première fois, je ne savais plus ce qu'elle avait gardé. Et je m'étais vraiment confié à un moment, tu sais, que t'as passé une porte et t'as trop parlé, mais c'était en 2013, dès que c'est sorti au ciné et qu'il a fallu aller le voir, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce que pensera Tom quand Marc-Olivier Fogel va le rappeler. Surtout que les premiers disent des trucs assez gore, mais qui sont mis en relief et tout, et qui sont intéressants et qui ont du sens. Mais je me dis, putain, moi-même, si je dis ça, j'espère que je pourrais l'expliquer, mais ça va. Moi, je suis le bouffon de l'histoire. Je dis, moi, je kiffe l'amour, je fais que dire ça. Mais alors, on peut le trouver où? Et du coup, alors, je viens de découvrir, je peux parler d'un truc cool. Je viens de découvrir un site qui s'appelle Tank, je sais pas comment ça se prononce, T-E-N-K, et c'est le Netflix du court-métrage. D'accord. Donc, c'est que des courts-métrages. Cool. Et moi, vu que j'ai du mal à regarder des trucs longs et nouveaux, c'est parfait pour moi. Et sauf la petite partie. Particularité, c'est que ça dure genre une semaine ou deux semaines. Et ils ont vraiment des trucs très récents, mais ils les ont que pour une semaine. Et à chaque fois, ils ont des trucs. C'est sur abonnement aussi ou... C'est sur abonnement aussi. Et je crois que Vers la tendresse, c'est dessus. Et en vrai, pas pour longtemps du coup. Ouais, pas pour longtemps. Mais le truc, c'est que il est toujours en projection dans, enfin, les festivals, ouais, les trucs. À chaque fois, enfin, au moins une fois par semaine, il est quelque part dans des festivals et des trucs pour l'instant. Et donc là, pendant un an, je pense qu'il est, il est trouvable. Et comment t'es tombé sur le projet? J'ai été pistonné, non. À une soirée. Une soirée concrète. Non, mais raison de merde. Je travaillais avec une metteur en scène, je faisais du théâtre et en fait, ils cherchaient des jeunes de banlieue qui voulaient parler de ça. Dans toute la banlieue, on devait être 7, donc voilà, c'était réglé. Ouais. Et puis c'est bon. Toi, tu viens d'où? Moi, je viens du 93, au Bourget, plus exactement. Mmh. On a un petit aéroport sympa. J'allais dire, c'est Ryanair. Bah, bonjour. Voilà. Très bien. Une question un peu pour tout le monde. Je vais commencer par toi, Tom. Est-ce que vous prenez encore du plaisir à faire ce que vous faites? Vous avez envie un peu de vous renouveler parfois, même si vous n'avez pas 50 ans de métier, mais quand même. Alors, je l'ai dit au début, tu réalises des vidéos pour Golden Moustache, pour Studio Bagel. Ouais, je fais aussi un peu de pub. Et de pub. Voilà, ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, c'est le contraire. Je commence à prendre plaisir vraiment, en fait. D'accord. Parce que justement, le fait est que je suis hyper junior, mais je le suis. Enfin, je commence à avoir de plus en plus d'expérience. Et en fait, je suis de moins en moins sur des projets qui sont galères, ou en tout cas, je peux les flairer beaucoup, beaucoup mieux. Et du coup, en fait, le truc, c'est que maintenant, eh ben, je prends vraiment du plaisir parce que je suis un peu plus confort sur des trucs. Tu peux trier peut-être un peu les projets aussi. On peut les trier. On peut les trier. Et c'est hyper intéressant, on bosse beaucoup ensemble avec Anis et c'est plutôt bien parce que en fait justement là de l'écriture jusqu'à la post-production et ben on est là ensemble sur des projets communs et c'est hyper intéressant alors qu'avant c'était très commande et du coup ouais, là plutôt de mon côté ouais, c'est que du plaisir c'est con et, à voilà. dire mais c'est cool un peu comme à votre époque quand vous êtes rencontrés je suppose ouais, voilà, quand ça. T'as trouvé quand moi je suis quasiment que auteur et comédien enfin bon, c'est déjà pas mal mais quand tu rencontres le lion et tout, bah, ouais. tu ouais. kiffes en fait. T'as l'impression que t'as un bras articulé et tu, on avance. T'es le ouais. Goldorak. Ouais. Enfin, des fois, t'es la jambe et on t'enlève. Hein. On n'est pas sur les quatre. Marina, quel public est ton préféré? Les Parisiens, les Belges, les Suisses ou les Américains? Parce que c'est vrai que t'as joué aussi aux States. Oui, aux States. Après avoir rencontré le célèbre réalisateur Vincent. Oui, absolument. C'est difficile. En fait, je crois que je parle trop vite pour la Suisse. Je me suis peut-être donné du mal là dans le podcast, mais naturellement, je parle très vite et les Suisses, ça passe pas du tout. D'accord. Donc, éliminons la Suisse que j'aime d'amour, mais voilà. La Belgique. Donc, le cliché sur les Suisses qui parlent lentement, pour c'est de vrai, dans la vraie vie, c'est un peu. Et ils mangeaient du chocolat, enfin, ouais. c'était horrible. Et ils cachaient l'or des nazis. Ouais. La Suisse, c'est un peu compliqué sur le rythme. La Belgique, il paraît que c'est un public super, mais moi, j'ai vraiment tanké les trois fois où j'ai joué là-bas. Oh, merde. Et les États-Unis, c'est hyper cool, mais ils sont trop bons pour moi. Enfin, ouais. je suis pas assez bonne pour eux, quoi. C'est vraiment dans leur Donc, culture. Par élimination, ouais. je pense que la France est chouette. Et le Québec, quand tu les fais rigoler bien, c'est hyper cool aussi. Ouais. Ouais, je dirais que la France et le Québec, c'est hyper intéressant parce que le Québec, c'est entre les deux. C'est, ils ont la culture du stand-up qui fait que tu peux faire des trucs exigeants. Et puis, ils sont assez sharp pour que tu puisses aller un peu loin. C'est un chouette public. Et qui en même temps n'est pas blasé. Tu sais, c'est pas les mecs qui te regardent les bras croisés. Ils ont envie de rigoler, mais il faut leur prouver que tu as fait des efforts. Très bien, bah écoute, voilà, voilà la réponse. Adrien, toi qui aimes et pratiques avec merveille la bande dessinée et la réalisation, ne serais-tu pas tenté par faire un dessin animé? Si, bah je l'ai déjà dit d'ailleurs, je crois, dans le podcast. Si, c'est vraiment j'aurais bien voulu faire un sketch en dessin animé à Golden Moustache. Malheureusement, alors je vais le dire là, du coup, je ne suis plus dans Golden Moustache. Ouais. Voilà, même si je vais continuer à faire des petites jouer de temps en temps. Jouer ouais. si on m'appelle, si on me propose voilà, des trucs. On va t'appeler. mais je ne fais plus partie officiellement de Golden Moustache. Je ne fais plus partie des talents. Ouais. Je suis parti. Et donc, je ne ferai plus de sketch en mon nom, a priori, sur Golden Moustache. Ouais. Mais ouais, j'aurais bien aimé faire un sketch en dessin animé. Après, je peux faire des sketchs ailleurs. Hein. Il y a plein de façons de faire des sketchs. Donc voilà. Mais sinon, ouais, moi j'aimerais bien faire une série animée, quoi. J'ai un vague projet. Il faudra que je me bouge un peu, quoi, pour faire un truc un peu commencer à démarcher des gens avec. Mais ouais, j'aimerais. Bah oui. Ouais, moi, ouais. Une de mes trois références, c'est les Simpsons, quoi. Un truc avec lequel j'ai grandi, quoi. Et ouais, essayer de faire un truc un millionième aussi bien que ça, ce serait cool, quoi. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a une petite question qui a été posée et qui est un dessin animé que moi j'ai vu il y a pas longtemps et j'ai vu d'autres gens regarder. Il y a Big Mouth qui est sorti sur Netflix. Ouais. et c'est créé par Nick Kroll. Un autre mec, je crois, j'ai oublié. Et John Mulaney, peut-être. Il fait une voix, mais il l'a pas écrit. Non, c'est un pote à lui qui est pas connu, je crois. Il y a lui, il y a Levin, il y a une nana et un autre mec. Ouais, mais il y a deux créateurs, mais le mec, je crois que c'est genre un pote de Nick Kroll qui est pas hyper connu. Et en gros, Nick Kroll, donc, qui est pas. Je vais chercher pendant que tu parles. Bien sûr, Nick Kroll, qui est pas forcément d'ailleurs connu non plus en France, c'est un humoriste qui aux États-Unis est un peu plus connu. On l'a vu dans le roast de James Franco, et puis on l'a vu en second couteau, en second rôle dans un milliard de films. Moi, récemment, j'ai vu The House où il joue le méchant avec Will Ferrell, et The House qui en France s'appelle Vegas Academy. Comment je vais payer les études de ma fille ? C'est le vrai titre. Payer les études de ma fille ? Ouais. C'est incroyable. On dirait un porno. Ouais, de ouf. Donc voilà, Nick Kroll, comédien, auteur beaucoup, et il fait du. Est-ce qu'il fait du stand-up ? Il fait un peu de scène, mais c'est pas son gros taf. Non, il fait pas de stand-up, il fait de la scène. En tout cas, il a fait un spectacle qui est aussi sur Netflix qui s'appelle Hello. Je vous invite à écouter d'ailleurs, parce que moi, c'est ce qui m'a donné envie de le regarder, le podcast Comédie News Weekly, même si c'est dirigé par deux connards. Il y en a un où ils ont invité Marina, et Marina a parlé un petit peu de ça, et c'est très bien. C'est effectivement John Mulaney qui est également auteur, qui était pardon, auteur au SNL, et qui lui pour le coup fait du stand-up. Ouais. Et il parle du monde actuel en faisant deux personnages, mais ça a pas, moi j'ai trouvé que ça avait pas le côté relou du, moi je suis pas très friand du on joue un personnage de vieux. Ouais. J'avais très très peur du côté oh bah alors on fait des blagues sur le et en fait non, c'est très intelligent, c'est très drôle, c'est du stand-up déguisé, il y a des blagues vraiment folles, et du coup Big Mouth qui est le dessin animé de Nick Kroll parle de la puberté, la bouche pas la souris. Mouth pardon, et il y a Jordan Peele qui fait une voix non aussi. Oui, ouais. Voilà. Donc c'est Andrew Goldberg le co-créateur qui est donc scénariste de Family Guy, donc un peu de bouteille. Ouais. Moi, je voulais poser une question. Nick Kroll, il avait le Kroll Show aussi. Il avait un sketch show. Super sketch show. Non, je voulais poser une question à Adrien. Tu es fan des Simpsons, mais alors, toute la controverse à Pou, qu'est-ce qu'on en pense ? Ben, il y a un documentaire qui est sorti là-dessus. Tout le monde est à jour. J'ai envie de le voir. Il y a un personnage d'Indien, donc le mec qui tient l'épicerie, si tu veux, dans les Simpsons. Apu, il est Indien. And he talks really like that. Et c'est pas un Indien qui le double. C'est un Américain. C'est Hank Azaria à qui on a demandé de faire genre l'accent le plus vexant du monde. Et c'était il y a 25 ans. Enfin, c'est il y a 30 ans, les Simpsons. Et la question, c'est, il continue à le faire. Il commence à y avoir des Indiens américains qui disent genre, alors en fait, c'est embêtant. Parce que c'est tellement progressif sur plein de trucs que d'avoir gardé au milieu cette espèce de caricature un peu teubée, c'est bizarre, quoi. Ben, en vrai, ça, c'est vrai que moi, quand j'étais gamin, je me posais pas trop la question, surtout que tu sais pas qui fait les voix ni rien. Mais c'est vrai qu'en plus, il a 14 enfants, enfin, il y a beaucoup de blagues. Très, très cliché, voilà. Et en vrai, on n'est pas si loin de Michel Leeb qui fait le chinois, quoi. En réalité, c'est juste que. C'est juste qu'il y a un dessin animé entre les deux. Enfin, en fait, si tu retires le dessin, t'as juste un blanc qui est en train de faire un accent et en train de dire plein de clichés sur une ethnie, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu. Et c'est même pire. C'est gênant, que les communautés asiatiques, de manière générale, se sont en gros tuées pendant plus longtemps minorités. Et on était là, mais ça va. Et là, ils commencent tous à dire genre, oui, alors on était gentils, mais en fait, ça va pas. C'est ça, c'est vrai qu'il y a un peu une déculpabilisation. Mais comme chez nous, les blagues sur les Chinois, tu vois. Oui, bah. On commence à se réveiller, mais en fait. Le racisme envers les Asiatiques dans la comédie, et on l'a même. Il est décomplexé dedans. Il est décomplexé, il est toléré même dans la comédie. C'est des choses qui. Enfin, là, la communauté asiatique, il y a eu le bad buzz Kev Gad qui fait que les gens commencent un tout petit peu à se réveiller. Et si vous voulez, amis humoristes racistes, c'est les Roms en ce moment. Voilà, les Roms, on peut y aller. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que les Roms, pour l'instant, on s'en fout un peu. C'est terrible. Et je trouve qu'il y a la même chose un peu avec la Russie. Donc maintenant, quand on veut montrer un truc un peu foufou, on dit c'est des Russes, ils font ça et tout. Mais en vrai, si on faisait des Noirs qui font ça avec un autre cliché, enfin là, on a la Russie, ça passe pour tout. Dès qu'on veut montrer un truc hardcore, on dit c'est des Russes. Mais dès qu'il y a des Russes qui seront assez installés en France et qui pourront prendre la parole, du coup, en vrai, c'est une question super compliquée. Mais je pense qu'avec je connais même pas très bien les Simpsons, mais je pense que si tu as l'intelligence de savoir comment ils écrivent et tu peux savoir si la démarche est. Enfin, tu peux te rendre compte si la démarche était raciste. C'est compliqué, hein. Mais je pense que. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Que ce qu'ils montrent est peut-être une réalité et qui est exacerbée maintenant avec le recul. Mais peut-être que en vrai, dans l'historique des Simpsons, il y a eu d'autres Indiens qui ont apparu dans la série. J'en sais rien, ça se trouve pas du tout. Lui, c'est vraiment un fixe depuis toujours et doublé par un blanc qui fait un cliché. Oui, c'est ça qui. Oui, et puis surtout, en plus, ce qui est bizarre, c'est que les Simpsons, ils ont quand même. bêtes d'auteurs. Enfin, ils ont des gens très intelligents parmi leurs auteurs et c'est très étrange qu'ils soient dit ne serait-ce que lever le pied, en fait. C'est-à-dire que on leur demande pas de supprimer le personnage, alors que ça pourrait se demander, hein, pour le coup, mais c'est même pas de supprimer le personnage ou quoi que ce soit. Il y a mille raisons de sûrement budgétaires ou je sais pas quoi. Enfin, comment dire, c'est un personnage culte, ils ont peur de foutre le bordel, mais juste arrêtez au moins ces blagues-là. Bah, après, juste, il est là. Ils ont supprimé quand j'oublie tout le temps son nom, mais celui qui faisait plein de voix et qui est mort. Phil Hartman. Phil Hartman, quand il est mort, ils ont supprimé des personnages comme ça, quoi. Oui, et puis ils ont tué la putain. Damocha. Madame Krabappel. Non, elle est partie parce que la comédienne qui le doublait est morte. Et donc, pareil, comme Phil Hartman, ils ont arrêté. Mmh. Et non, ils ont tué la femme de Ned Flanders. Enfin, ils tuent des personnages, de toute façon. Mais ne serait-ce que juste après, lever le pied. C'est vraiment la meilleure des réponses. Et il est mort, voilà, vous êtes content. Non, mais au moins, lever le pied, arrêter les blagues là-dessus. Un truc un peu Jason Bourne où un jour il se réveille, genre il a pas d'accent, il fait genre ok, j'étais infiltré depuis 30 ans. Ça, ils l'ont fait sur Skinner en plus. Il y a un épisode de Skinner, ils disent en fait, non, c'est un ancien vétéran du Vietnam et pas du tout le gars que vous croyez. Non, mais il y a. Mais en fait, le truc, c'est ce que tu disais, Annie, c'est aussi parfois tu peux aussi être raciste, enfin, sans réaliser à quel point tu vois. Le truc, c'est que justement, surtout en fait, série qui a 25 ans, en plus, le fait, ce qu'on disait, que le racisme envers les Asiatiques, il est quand même plus toléré. Du coup, tu peux être si tu te poses pas trop la question de perpétuer ce racisme là sans t'en rendre compte. Et le truc, c'est qu'une fois que c'est pointé du doigt, qu'il y a un souci, tu peux réagir. Quoi. Mais t'as même, pour le coup, alors Dieu sait que la VF est cool, mais le pire, c'est South Park en France, où tous les personnages afro-américains ont l'accent de Michel Leeb. Pas comme ça, et tu fais, mais c'est ouf, parce que dans la VO, pas du tout, c'est des enfants qui parlent comme tous les autres enfants. Ouais. Et en France, on s'est dit, mettre un énorme accent quand même. Et c'est terrible, parce que South Park, c'est une des séries les plus avancées, justement. Enfin, c'est des fois, on peut avoir des avis, on peut être pour, on peut être contre, mais la plupart du temps, ils sont quand même sur l'ouverture d'esprit et sur le. Voilà. Et du coup, tu rajoutes ça, je me demande ce qu'ils penseraient, tu vois. Et surtout qu'ils ont des épisodes où ils critiquent le racisme anti-afro-américain. Et à côté de ça, c'est un personnage qui parle comme ça, qui fait « Vous n'avez pas le droit d'être raciste !» Et tu fais « Bah non, bah du coup, c'est terrible, en fait, ça marche pas du tout. » Donc voilà. Bon, écoutez, les amis, on va se quitter. Ça fait très très longtemps qu'on parle. C'est un épisode très long, mais qui était très drôle. Il y avait même un petit jeu qu'on ne fera pas. Je suis désolé. Non, on le garde pour la prochaine fois. 2h30. Les jeux, je galère tout le temps. Et du coup, c'est bien qu'on le garde pour la prochaine fois. Écoutez, je serai là, je m'en bats les couilles. Oui, c'est ça. Je vous remercie beaucoup. On va faire un dernier petit tour pour rappeler un petit peu votre actualité. À Nice, est-ce qu'on peut attendre peut-être une saison 2 de Multiprise? Oui, c'est en cours. Nous sommes sur les starting blocks. En 97, du coup. Ça va, on va passer en phase de tournage. Et du coup, ça va sortir normalement. Ouais, je balance tout. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis lancé. ça devrait sortir normalement avant 2018. Si d'accord. Tout se passe bien. Bravo. Et la question que j'ai vu revenir plusieurs fois, y aura-t-il un retour de la team Foufou? Ah oui, on a posé cette question. Et bah oui, il y aura un retour de la team Foufou. Ça fait plaisir. Et je combine pour faire une passe comme ça. Tu veux dire que tu combinis je suis combiné. Une passe, c'est vraiment ça que tu avais fait. Une passe à la Zidane. Ah, j'ai dit je suis combiné. Je suis combiné. Ce qui était assez drôle. On a un sketch qui est fini avec Tom. Que Tom a réalisé. Que Tom a réalisé. Qui va sortir bientôt si demain je te réveille tôt pour le monter. Et, et un autre qu'on a tourné. Donc là, voilà, on continue le duo. On a déjà un qui est sorti qui s'appelle Gilly Gilly. Tu vois, je dis on comme si. Oui, c'est vrai que c'est toi qui as réalisé Gilly Gilly. Tu as réalisé aussi celui que vous avez fait avec Freddy. Le porteur robot, je sais pas comment il s'appelle, le professionnel. Qui est vraiment pas un titre qui c'est fonctionne titre énormément. Non, mais on est d'accord avec cette critique. Ouais. Et le dernier d'Aurélien là, qui vient de sortir, qui s'appelle Tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Donc, voilà, j'ai fait ta promo, tu n'as plus à parler. Merci, mec. Ouais, tu vas faire ça, Tom. Et puis pour les gens qui te visualisent pas exactement, parce que j'aime le dire, tu es le nazi qui dabe dans les recettes pompettes avec le palais macho. Oui. Et je tiens à dire aussi une vraie chose, c'est que ma mère va jouer dans un programme. On n'a pas le droit de parler du programme, mais il y a du cul en tout cas. Mais c'est surprise. Voilà. Il y a la mère de Tom. Si je reviens ici, je vous parlerai de ma mère qui joue dans ce programme de cul. Voilà. Non, tu peux juste dire ce qu'a fait ta mère pour paraître cool aux yeux des gens qui font ce programme. Ouais, bien sûr. Alors en fait, c'est un programme qui va parler de cul et où il y aura du cul. Elle est arrivée avec un plug. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a un club de lecture et ma mère sera chroniqueuse de bouquins de cul, notamment sur des bouquins très très très borderline. Mais pourquoi elle s'est retrouvée là-dedans? Je t'expliquerai. Mais non, mais pour faire jeune, qu'est-ce qu'elle a fait en arrivant? Moi, c'est ça que j'ai envie que tu dises. ce que tu m'as raconté. Ah oui, oui, oui, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, ma mère aussi va un peu trop loin des fois dans la vanne. Elle a un peu too much. Et du coup, attends. Ah, c'est terrible. Ça a perdu tout son intérêt. Non, oui, oui. Je parlais du dab. Je parlais du dab. Elle a fait un dab. Oui, c'est vrai. Bah voilà, c'était ça. On va terminer. Non, mais en gros, en fait, elle ne sait pas du tout gérer. Elle avait trop envie d'avoir l'air jeune. Et du coup, en fait, dès qu'elle a vu, disons, le producteur, ouais. Pour être oui, vrai, pour garder le secret. Le premier truc qu'elle a fait, au lieu de dire bonjour, ça va, serrer la main et tout, non. C'est un dab. C'est vraiment, on a en 2017, ah ouais. Je ne lui ai rien dit. Je lui ai pas dit, maman, fais un dab, maman, s'il te plaît. Vraiment, il va voir que t'es cool et tout. Non. Elle est trop bien, vraiment, elle est arrivée devant le gars et a fait. Bon bah, meilleure mère. Mais c'est quoi son vrai métier dans la vie? Dabeuse. Elle est dabeuse professionnelle. Marina, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je fais des blagues, je fais des spectacles. Alors, est-ce que tu peux nous dire les dates? Aimez-moi sur mes réseaux sociaux, je vous expliquerai tout. Mais là, jusqu'en fin décembre, je suis mercredi et jeudi. Pardon. Oh non, on est trop fatigué, il faudra monter. Mais mercredi et les vendredis à 20h à la Petite Loge, c'est le plus petit théâtre de Paris, c'est vachement sympa, mais vous aurez tous les renseignements sur Facebook, Twitter, etc. Et à partir de janvier, je reprendrai à Paris aussi, mais dans une plus grande salle. On c'est vrai que tu parles vite. Ouais, ouais. Marina Rollman, donc n'hésitez pas à aller la voir. Adrien, j'ai vraiment fait un truc de présentateur. N'hésitez pas à aller la voir. Adrien, est-ce lui la météo, Adrien, si tu peux nous dire le temps qu'il fait à Marseille, s'il te plaît. Bah surtout, faut pas y aller. N'y mettez pas les pieds, ce sont des racketteurs. De toute façon, depuis la semaine dernière. Oui, semaines, c'est vrai. C'est la même chose, non? Ouais, c'est la même chose. Bah, vous écouterez l'émission d'avant et puis je fais des trucs. J'écris là. Non, là, je suis un peu en une période où j'avais un truc qui devait sortir en janvier. C'est en mars finalement. Donc, là, je suis plus en écriture en ce moment. Donc, pas vraiment de trucs qui vont sortir bientôt. Mais voilà. Quoi. Très bien. Voici en décembre le truc qu'on écrit là. Oui, bien sûr. Oui. Je sais même pas si je vais jouer dedans, peut-être. Et sinon, Jean-Louis Aubert? Bonjour, c'est Jean-Louis Aubert. Mais là, t'as juste dit bonjour, en fait. Il est très monolithique. Bon, écoutez, merci beaucoup. On va se quitter avec un peu de country, je pense. Yeah. Non, j'en ai pas. En fait, j'en ai pas. J'ai oublié de la télécharger. Bon, écoute, tant pis. Post-prod. Ouais, un peu de post-prod. Ah, c'est bon, si je l'ai. On va se quitter avec un peu de country. Merci à tous d'être venus. Yeah. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Au revoir. Salut. C'est super. Une belle soirée pour parler des mauvaises soirées. Soirée. À toi, Adrien. Non. J'ai rappé la semaine dernière, c'est bon. Mais putain, justement, je voulais montrer que tu touchais à tout, quoi. Mais là, je suis pas prêt. C'est bon. Plus fort que moi. Pas de traquenard, je t'en supplie. Allez, gros bisous, ciao. Bonjour, c'est Jean-Louis.